Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Alors, je dis que je suis avec vous, mais je suis avec vous en esprit, on est sur la même grève, on est connecté par le réseau qui Ça râle. commence. Parce que, pour signaler aux gens qui ne nous écouteraient pas le jour de la sortie, nous on en est au confinement 2 du Covid 2020, donc on ne sait pas où vous en êtes, peut-être vous êtes au 3, peut-être vous êtes au 4, mais voilà, nous on entame le deuxième confinement, donc on est de nouveau à distance, chacun chez nous. Le son sera un petit peu différent de d'habitude, mais voilà, on peut quand même continuer à faire l'émission. Moi je suis en jogging, claquettes, chaussettes, c'est nickel, je suis très Moi j'ai mon content. petit plaid là sur les genoux avec le chat qui va pas tarder à arriver, ça va être parfait. Voilà. Donc on est parfaitement équipé pour faire cette émission et comme d'habitude c'est évidemment grâce aux personnes qui nous soutiennent sur notre page Patreon. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. On a toujours le palier sobrement nommé Fin du Game qui est en ligne de mire puisque on l'avait passé et puis finalement avec la fin du mois on est revenu un petit peu en arrière mais voilà bref il y a toujours ce palier qui est là et qui pourrait nous permettre d'élargir encore hein, le champ d'exploration de l'émission avec, je ne sais pas, des jeux rétro, des grands classiques, des intemporels du jeu vidéo. Voilà, c'est ce qu'on vous promet si vous continuez de nous soutenir sur Patreon. Donc, merci énormément à toutes les personnes qui nous rejoignent dessus. Surtout dans les conditions actuelles, c'est vrai qu'on mesure la chance qu'on a de pouvoir continuer à bosser comme ça et de pouvoir continuer à vous proposer ce qu'on essaie de faire avec cette émission, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, on est content de pouvoir vous proposer cette petite bulle qu'on a réussi à créer comme ça depuis 2 ans. Donc, Une petite distraction comme ça au milieu de tous les tracas du quotidien. Donc là, en plus, sur le Discord, c'était rigolo parce que les gens, ils se demandaient entre eux quand est-ce qu'ils nous écoutent. Alors, c'est dans le bain, au travail, sur la Oui, route c'est pour aller au vrai. boulot, pendant que je fais le ménage, avant de m'endormir. Donc voilà, peu importe ce que vous êtes en train de faire, nous sommes avec vous. Exactement. Et puis, ils sont aussi avec nous, eh bien, c'est Sœurs d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Est-ce qu'on le fait, Benoît? On ne J'étais sait pas sûr pas. si tu voulais que je le fasse ou pas. Je me suis dit à distance, c'est un peu compliqué. C'est un coup spécial un peu difficile. Hein. Effectivement, c'est un peu plus difficile à placer avec le lag comme ça de la distance. Mais pour revenir donc à Sœurd, ce mois-ci, il y a pas mal de sorties chez Sœurd. Des sorties un petit peu Disney déjà, puisqu'il y a un livre sur l'âge d'or de Disney qui va sortir. Alors l'âge d'or, je crois que c'est années 80-90. Non, second âge d'or, c'est le deuxième âge d'or, parce qu'il y a eu plusieurs âges d'or hein, chez Disney évidemment. Il y a un livre aussi sur Star Wars, sur la dernière trilogie. Assez curieux de voir ce qu'ils vont raconter là-dessus, parce que c'est quand même une trilogie qui a divisé pas mal de monde. Et puis il y a aussi un bouquin sur Dune qui va sortir, qui lui devait coller à la sortie du film, mais malheureusement n'est pas fin du game qui Oui, veut. Tout et le monde n'est oui, ouais. pas influé sur l'actualité comme nous. Ils ont essayé de se frotter au cosmos et voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place. Voilà. Nous, on choisit de parler de Death Stranding, bim, reconfinement, et voilà, et eux, ils loupent Voilà. un petit peu leur coche avec Dune, mais voilà, c'est Voilà. comme ça. Regrette pas ça. Mais par contre, ce qui est important pour Sœurd, parce que bah, eux aussi, malgré tout, le confinement, ça change leur business avec, alors en ce moment, les fermetures, les réouvertures des librairies, c'est un petit peu compliqué, mais vous pouvez toujours commander les bouquins hein, sur leur site, ça c'est toujours possible, et évidemment, c'est aussi une manière de soutenir leur activité, donc voilà, si vous voulez commander des livres, vous occuper avec des beaux ouvrages sur le jeu vidéo, bah vous pouvez le faire grâce à Sœurd et vous pouvez donc retrouver tout ça sur leur site. Moi, encore une fois, je vous renvoie vers leur Twitter parce que c'est là qu'il y a toute leur actu. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir des choses sur Disney ou sur Dune, voilà, pour vous Vous préparez. pallier un petit peu au manque du film, bah voilà, vous pourrez vous contenter de ça. Et puis nous, aujourd'hui, on va parler donc de Death Stranding, je l'ai dit, c'est pile dans le thème du reconfinement, pile dans le thème du Covid, c'est parfait. On est au top, fin du game, en plein dans l'actu. Maxime va nous envoyer une petite musique. Benoît nous avait fait une belle sélection. Il y a 20 minutes de musique là qui ont sur un. Ah mais moi si on mettait 20 minutes de musique ça m'irait très bien. En vrai c'est juste qu'on aurait des épisodes qui durent 3 heures mais voilà la sélection a été très difficile parce qu'il y a énormément de très très bons morceaux dans l'OST de Death Stranding qui sont soit des morceaux qui sont vraiment la musique du jeu soit des morceaux qu'ils ont repris qu'ils ont ajoutés pendant les... Il y a un moment de balade, des petits morceaux, donc je ne sais pas encore ce que va choisir Max. Ça sera la surprise, j'écouterai ça avec, avec plaisir. Eh bien, vous allez le découvrir juste après ça, et puis nous, on peut partir sur un nouvel épisode. Alors, Death Stranding, c'est sorti le 8 novembre 2019 sur PS4 au début, et puis c'est sorti bah, cet été sur PC, puisqu'il y avait une timed exclusive, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon marketing, et c'est le premier jeu de Kojima Productions en tant qu'entité indépendante, puisque bah, ça fait suite à l'espèce de grand divorce qui s'est passé entre Hideo Kojima et Konami. Alors on peut peut-être revenir un petit peu, qui est Hideo Kojima, le Quentin Tarantino du jeu vidéo, hein, c'est comme ça qu'il faut le présenter, hein, c'est comme c'est ça qu'on dit. Ouais. Non, non, bah, c'est non, mieux c'est... que le Godard hein, du jeu vidéo, oui, donc, ça me va aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est que bon, c'est Hugo qui a découvert Hideo Kojima, hein. L'année 2020 je pense pour Hugo, ça sera son année Kojima. Pour revenir rapidement, c'est peut-être un des noms les plus connus en fait, hein, de l'industrie du jeu vidéo, tu vois, aux côtés de Miyamoto ou de... de Monsieur Sakaguchi qui a fait la série des Final Fantasy. Enfin, tu vois, voilà, c'est des noms vraiment qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Donc, il était chez Konami depuis 86, quand même. Hein, donc, ça, 1986, ça date un petit peu. Il est connu essentiellement donc, pour la série des Metal Gear Solid. Enfin, Metal Gear puis Metal Gear Solid. Et en fait, dès le premier épisode de Metal Gear, on voyait son nom apparaître en grosses lettres sur l'écran, et très rapidement, on a associé Hideo Kojima à cette idée d'un auteur de jeux vidéo, et ça fait partie vraiment, je pense, des premiers noms que les gens étaient capables de citer quand on leur demandait des créateurs de jeux vidéo. Et ça, bah, c'est quelque chose qui lui a toujours collé à la peau, qui lui a donné aussi cette réputation un peu de mégalo, parce que étant donné qu'il est un peu multitâche, il a tendance à être à plein d'endroits différents de la création du jeu, donc le jeu, il est réalisé par lui, il est écrit par lui, il est signé par lui, il est filmé par lui, il est codé par lui. Enfin voilà, vous avez tous vu des mèmes avec des blagues où il y a écrit 15 fois Hideo Kojima. Et le fait est que, en fait, tout se passait très bien jusqu'au moment où ça se passait plus très bien. oui. Konami, en fait, a connu une grosse perte de vitesse comme quasiment tous les studios de jeux japonais dans les années 2000-2010 avec la sortie de la HD. Konami, une de leurs plus grosses licences, c'était Pro Evolution Soccer, hein, PES, qui était en grosse perte de vitesse parce que FIFA, en face, avait sorti l'artillerie lourde et ils avaient décidé de reprendre le flambeau. Et donc, en fait, au fur et à mesure des années, ils ont commencé à envisager une nouvelle stratégie chez Konami et ils ont voulu s'orienter, non pas arrêter le jeu vidéo comme on l'entend, Oscar Le Maire nous a dit de ne pas dire. Donc, oui, c'est attention, quand même super important. Il ne faut pas se faire taper sur les doigts par Oscar Le Maire. Voilà, moi j'ai peur, après je vais me prendre des tweets et tout. Donc, par contre, ils ont simplement shifté vers le jeu mobile. Oui, tout à fait, il y a vraiment eu un changement stratégique, hein. Ils observaient que c'était de plus en plus compliqué de faire du triple A, donc ils sont partis vers cet autre marché du jeu vidéo qui est en plus d'autant plus pertinent, hein, au Japon, hein, puisqu'on sait que le jeu mobile là-bas, c'est vraiment une industrie qui a pris énormément d'ampleur. Alors c'est aussi le cas chez nous, mais au Japon ils étaient un petit peu en avance et c'est toujours extrêmement extrêmement gros. Et ce qui fait que Kojima, lui, c'était un de leurs faiseurs de triple A, c'était probablement le nom qui leur leur demandait le plus de thunes sur chaque projet. Et c'est vrai que ça a commencé à dégringoler un petit peu au début des années 2010, et notamment à la fois sur le développement de Pity, qui était donc cette démo du projet Silent Hill, qui avait été comme ça mis en branle, qui avait été annoncé par Kojima. On se disait, voilà, Kojima va reprendre la série Silent Hill, qui était une des autres, hein, vraiment licence iconique de Konami. Et il y a cette démo qui est sortie, qui a fait beaucoup parler d'elle. Je ne sais pas si un jour on en parlera un peu dans l'émission. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça faisait bien flipper. Ça, je pense qu'on sera tous les trois d'accord là-dessus. Mais voilà, il y a cette démo qui finalement n'a pas abouti sur le jeu. Le jeu, il a été annulé. Et en même temps, il y avait Metal Gear Solid 5 qui était en développement. Il y avait déjà Ground Zeroes, qui était l'espèce de prologue qui était sorti. Et puis après, à la fin de l'année, non, c'était mi-2015, il me semble, ouais, juste Metal pour, Gear Solid 5. Pour dater un petit peu, donc oui. Pity, c'est août 2014. Ground Zeroes, on avait dit, c'est un peu avant, je crois. Ça doit être mars 2014, mars. C'est ouais. Ça. Et Metal Gear Solid 5 sort en 2015. Mai 2015, mai 2015. Comme ça, il me semble. Ouais, donc, entre août 2014 et mai 2015, on sent que les relations se sont vachement détériorées, en fait, entre Konami et Kojima. Voilà, il y a ce divorce qui commence à se faire, et qui va se faire de manière de plus en plus houleuse, en fait, tout simplement, parce que nous, quand on va commencer vraiment à en entendre parler, c'est quand Konami décide de retirer le nom, hein, de Hideo Kojima des jaquettes de Metal Gear Solid 5. Hein, tu le disais, Benoît, c'était vraiment un de ses traits les plus importants, de marquer Hideo Kojima Game. Et là, donc, Konami commence à retirer le nom de la jaquette. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai mon Metal Gear Solid 5 Day One, ce n'est pas marqué Hideo Kojima dessus. Et on va aussi entendre pas mal d'histoires sur le fait que, voilà, Kojima Productions, qui était une filiale de Konami, a été mis un petit peu au placard, genre ils n'avaient pas accès à l'intranet du reste de la boîte, ils ont même changé le nom, c'était plus Kojima Productions, c'était genre Studio numéro 8 ou numéro 11, je sais plus. Enfin bref, il y avait quand même beaucoup de brouilles en interne, et qui sont ressorties aux yeux du public, donc déjà via cette histoire de nom sur la boîte, via aussi plein d'affaires qui sont sorties sur le traitement des employés de Konami, qui les faisaient surveiller, qui les faisaient encadrer, qui leur interdisaient de partir aller manger. Enfin, il y avait un truc très très toxique qui était en train de se passer chez Konami, en même temps, en fait, que ce changement de business vers le mobile. Et donc, ça aboutit vraiment sur une séparation assez, assez vénère entre Kojima et Konami, et qui culminera, en fait, en fin d'année 2015, Metal Gear Solid 5 était sorti, où Konami, en fait, interdira Kojima d'aller récupérer sa petite statuette chez son pote Geoff Keighley pendant les Game Awards. Et en fait, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que se termine le divorce dans les yeux du public entre Konami et Kojima. Et ce qui est important de noter pour toute cette période-là, c'est que ça fait, en fait, c'est assez unique dans l'histoire du jeu vidéo qu'il y ait des autant d'informations qui filtrent a fortiori pour des studios japonais, parce qu'ils sont quand même connus pour leur on va dire le côté silence, tu vois, qu'il peut y avoir autour des studios japonais qui, de base, est bien là, quoi qu'il arrive. Mais là, en plus, ça débordait tellement qu'on avait régulièrement, pendant l'année 2015, des articles pour des révélations assez folles sur le traitement vraiment... c'est-à-dire que si vous voulez expliquer à des gens que vous les aimez plus et que vous voulez les ghoster, vous auriez pas pu faire mieux que ce que fait Konami. Tu vois, c'est un peu le guide du « Comment se séparer de ses copains » écrit par Konami. Donc, c'était assez terrible. Et en plus, ça a beaucoup impacté le développement de Metal Gear 5, puisque du coup, bah, c'est un jeu qui est sorti amputé de pas mal de contenu. Ça a été relevé, alors on va pas rentrer trop dans les détails de MGS5, peut-être qu'on en parlera un jour, mais voilà, c'est un jeu qui est pas sorti dans l'état dans lequel il aurait pu sortir s'ils avaient eu plus de temps, plus de moyens, etc. On sent en fait que ça, c'est peut-être même juste un des points de friction entre Kojima et Konami, qui avait peut-être des ambitions très folles pour cet épisode, et Konami qui a dit à un moment donné, stop, on arrête les frais. Et bref, voilà, donc... Le point de culminant, c'est qu'ils ont carrément viré, finalement, Kojima. Il s'est carrément fait virer de chez Konami. Il est parti tout seul. Assez rapidement, il est parti avec, finalement, toute sa clique de personnes qui travaillaient avec lui, son entourage, depuis des années. Hein, les comment il s'appelle, le designer Yuji Shinkawa, tout à fait. Ouais. Qui est le game designer, enfin, le designer des jeux, etc. Directeur artistique. Ouais. En fait, très rapidement, là-dessus, quelques mois plus tard... alors, arrêtez-moi. Là, on est en fin d'année 2015. Et ouais, c'est ça. Un moment de blanc. jusqu'à l'E3 2016. Ouais, il quitte Konami en octobre 2015, si je dis pas de bêtises. Enfin, son pot de départ, il y avait une photo sur Twitter, voilà, octobre 2015. Et dès l'E3 2016, hein, donc même pas un an plus tard, il arrive en fanfare pendant la conférence Sony, avec cette scène assez folle où il marche sur... sur l'estrade, en gros, il y a des plaques de lumière blanche sur la scène, qui s'illumine façon Billie Jean. C'est ça, c'est voilà, le Michael Jackson du jeu vidéo. Et, et il a juste « I'm back » au public qui crie, tu vois, qui a retrouvé son petit Hideo Kojima, puisqu'on savait pas trop, du coup, ce qu'il devenait. Et comme on le disait, c'est une grande figure du jeu vidéo, avec toute cette image, en plus, lâchée de l'emprise Konami, à qui on avait... on avait sali son nom, et là c'est Sony qui les récupère, puisque c'était l'occasion, du coup, de vraiment faire un vrai plan de com, quoi, avec lui. Ouais, il y a eu, en fait, vraiment, alors là ça a été assez incroyable, hein, comme coup pour Sony, puisque pendant des mois, en fait, le compte Instagram de Kojima a resté très actif, hein. Si vous avez envie de voir de la bouffe japonaise, suivez Kojima sur Instagram, hein, il poste régulièrement ce qu'il mange, et on le voyait, en fait, se balader. Vraiment, on a vu Kojima pendant des mois en mode Kojima en vacances, tu sais, où ouais, on le voyait avec ses potes, il est allé voir Norman Reedus, il est allé voir Mads Mikkelsen, il est allé voir pas mal de gens à droite à gauche dans le monde, hein. Il a profité de sa retraite anticipée, et en fait ça a culminé avec cette fameuse présentation de l'E3 2016, où là Sony a pu associer son nom à nouveau avec Kojima, puisque on le rappelle, historiquement les Metal Gear ça sortait que chez PlayStation, hein. MGS 1, 2 et 3 c'est chez Sony, pardon, et MGS 5 était sorti donc également sur PC, ouais, mais également sur Xbox One, donc ça c'était quand même pas rien. Et en plus de ça, ils ont pu annoncer un nouveau jeu, Death Stranding. Il y avait déjà un trailer qui dès l'époque, enfin dès 2016, mettait déjà un peu tout le monde dans la confusion la plus totale. Ouais, et puis Sony qui va quand même vraiment mettre des billes, hein, dans ce nouveau jeu, hein, donc vraiment Kojima Production renaît de ses cendres, plus en tant que filiale de Konami, mais vraiment en tant que studio indépendant. Alors bon, même si c'est indépendant, ils ont quand même été un petit peu dépendants de Sony au début. Kojima a beaucoup échangé avec Mark Cerny, qui est un des architectes, hein, des consoles Sony. Alors de la PS3, je ne suis plus tout à fait sûr, mais en tout cas, PS4. Ce qui est sûr, c'est de la PS4, ouais. Et puis de la PS5. Qui arrive. Il y a peut-être même déjà des gens qui ont déjà une PS5, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Et en fait, ils ont vraiment échangé ensemble pour essayer de trouver un moteur qui pourrait leur permettre de développer ce nouveau jeu. Et ils se sont donc arrêtés sur Decima, le moteur Decima, qui est le moteur créé par Guerrilla Games, un des autres studios, hein, vraiment de l'écurie Sony, et qui va vraiment investir énormément de travail. On peut peut-être même dire que c'est le second studio du jeu, hein, puisque Kojima Production, ça représente presque, allez, une centaine de personnes, et on sait qu'il y a 70 personnes de chez Guerrilla qui ont bossé sur le projet, donc c'est presque une coprod, quoi. Ouais, alors peut-être pas à plein temps, on sait pas exactement, mais il y a eu tout ce support, ce soutien technique de Sony. On rappelle que Guerrilla, c'est ceux qui ont fait Horizon Zero Dawn, qui n'était pas encore sorti à l'époque, puisqu'il est sorti en 2017, mais il était en développement, et on savait déjà un petit peu ce que ça allait être, à quoi ça allait ressembler, puisque le moteur de MGS5 appartient à Konami, hein, donc forcément il fallait, ouais, fallait en refaire un ou en retrouver un. On sait qu'il y a eu du support aussi technique d'autres studios first party de Sony, Bend Studio et Insomniac Games aussi. Et pour recontextualiser un petit peu Sony aussi à l'époque, parce qu'on disait c'était un vrai plan de com, et c'est vrai que Sony capitalisait beaucoup en termes d'image à ce moment-là, en 2016, puisqu'ils avaient, entre guillemets, gagné l'E3 2015, avec The Last Guardian, avec Shenmue 3 et avec FF7 Remake. 2 sur 3 qui n'étaient pas encore sortis. Last Guardian, il est sorti quand déjà, Last Guardian 2017. Ah, donc il est pas encore sorti. Il est sorti après. Donc les jeux n'étaient pas sortis. Ouais. Hein. En fait, c'était vraiment l'E3 des annonces complètement folles, hein, avec le fameux FF7 qui était une arlésienne depuis toujours. Shenmue 3, même combat. The Last Guardian, même combat. C'était vraiment la réalisation des trucs impossibles, mais les jeux n'étaient pas sortis. C'est-à-dire que c'est juste, on les annonçait et un jour ça sortira. Et en 2016, il n'y a pas encore des. Enfin, la PS4 n'a pas encore vraiment le succès qui est là aujourd'hui. Il y a eu Uncharted 4 en 2016, mais il y avait, même s'il y avait, par exemple Bloodborne ou d'autres jeux, il y a dû avoir quoi, il y avait des Killzone, quelques jeux comme ça, mais bon, c'est vraiment avec God of War, Horizon, que Last of Us 2, que c'est vraiment cimenté, en fait, le succès de Sony. Donc en 2016, on en est encore vraiment dans une stratégie de l'image, de la communication. ils ont gagné l'E3 en 2015, et là en 2016, ils ont Hideo Kojima qui revient, donc on est vraiment, vraiment dans une victoire symbolique quoi, pour l'instant. Et à chaque fois j'en parle parce que c'est vraiment un truc moi qui m'avait marqué. Il y a eu donc cette fameuse annonce du I'm back, ça c'était sur scène, mais quelques il y avait une vidéo vraiment très formelle où on avait donc j'ai oublié son nom, je sais plus si c'est Andrew House ou si c'est un autre qui était là. C'est Andrew House, oui, tout ouais, à fait. Ouais. Qui était assis et qui annonçait que Kojima allait s'asseoir à côté de lui sur le canapé et vraiment j'essaierai de trouver le lien, je le partagerai dans le Discord ou quoi que ce soit, mais c'était, il y avait tout un tas de blagues qui sortaient sur le net à cette époque-là parce qu'il le regarde avec des yeux, il a envie de le dévorer parce que il a Kojima avec lui. Ouais, on dirait qu'il va le demander en mariage dans la foule. Parce que ben, pour un éditeur et un constructeur comme Sony, pouvoir s'associer durablement avec Hideo Kojima, c'était une victoire folle. Et en plus, on sentait que c'était des gens qui étaient vraiment fans de son travail et qui le respectaient parce qu'ils savent très bien chez Sony qu'une partie de leur image de marque est fondée justement sur Metal Gear Solid. Pour pas mal de gens, je pense que dans leur tête, si on associe Sony avec Final Fantasy, avec Crash Bandicoot, avec God of War, avec Gran Turismo, mais également Metal Gear, tu vois, des trucs comme ça. Et coup de com' réussi parce que malgré tout, à cette époque, on savait déjà que le jeu ne serait pas une exclusivité hein, PlayStation. Hein, on savait qu'il sortirait aussi sur PC, mais c'est vrai que c'est vraiment resté dans l'esprit des gens bah, grâce à ces opérations de com' que Death Stranding, bah, c'était un jeu presque Sony, hein, presque édité, édité et développé en interne chez Sony, alors que ce n'est pas le cas. Hein, vraiment, Kojima Productions, c'est un studio qui est indépendant. Et d'ailleurs, l'édition sur PC n'a pas été faite par Sony, elle a été faite par 505. Games, hein, 505 games. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette vraie réussite de coup de com. Et puis la deuxième réussite aussi, c'est que finalement le jeu, ce qu'on pouvait se dire, c'est, tu sais, on parlait d'Arlésienne, on parlait de FF7 Remake. Je pense que Kojima, quand il nous annonce et qu'on voit la première cinématique, moi ma première réaction, c'est de me dire ok, on se voit sur PS5, tu vois, parce que vraiment on pouvait se dire bon voilà, c'est Kojima, il va encore prendre beaucoup de temps. Et finalement le jeu ne prendra aller que 3 ans et demi à être développé, et ça on l'a tous les trois constaté. Pour nous c'était quand même vraiment une réussite, et c'est impressionnant moi je trouve ça vraiment impressionnant qu'ils aient réussi à la fois à remonter un studio, trouver un partenaire commercial de premier ordre avec Sony, et ensuite sortir un jeu en l'espace de 3 ans. C'est vrai que c'est quand même impressionnant, et encore une fois je pense que ça nous permet de mesurer l'impact qu'a eu Sony justement dans l'affaire, et Guerrilla qui ont permis d'aider pour sortir le truc quoi. Ouais, vraiment, faut pas sous-estimer ça, parce que sortir un jeu avec, on va dire, vraiment avec des ambitions d'un triple A, parce que bon, c'est sûrement un budget de plusieurs dizaines de millions de dollars avec le nombre d'acteurs qu'il y a, plus globalement la quantité de voix, de doublage, etc. Et comme tu l'as dit, parvenir à remonter un studio de zéro, même avec des gens expérimentés, c'est pas toujours évident, parce que ils ont quand même travaillé pendant près de 20 ans à faire des Metal Gear, et donc des jeux d'infiltration plutôt orientés guerre, etc. Là, c'est un jeu qui est complètement différent de tout ce qu'on avait vu auparavant, avec un univers original, des nouveaux personnages, un nouveau jargon, tout un nouveau lore à explorer, et 3 ans et demi, c'est vraiment très très peu, a fortiori comme tu le disais pour un Hideo Kojima qui s'éternisait depuis des années à vouloir sortir un MGS4 ou un MGS5 avec la blague que depuis MGS2 c'était son dernier épisode quoi. Ouais, tout à fait. Et puis je rebondis sur ce que tu dis sur le fait que voilà, c'était une nouvelle licence. Pendant très longtemps en fait, pendant toute la période de communication du jeu, on savait pas vraiment ce que ça allait être Death Stranding, parce que bon, déjà cet univers, on va en parler un petit peu plus tard quand on abordera concrètement le jeu, mais il était très intrigant. C'était une communication qui était assez morcelaire, c'est-à-dire qu'on nous montrait des cinématiques qui seront finalement bien dans le jeu, hein. C'est pas des trucs qu'ils ont inventés pour les trailers, c'est même des cinématiques qu'on trouvera de manière assez avancée. Hein, des choses qui arrivent assez tard dans le jeu, mais c'est vrai que on regardait ça avec quand même une espèce de mi-scepticisme, mi-fascination, parce qu'on n'avait pas le contexte finalement de tout ce qui se passait. On voyait des crabes, des baleines échouées, Norman Reedus qui porte le petit bébé qui pleure, les bibis, enfin ça a été... Pendant très longtemps, on savait vraiment pas à quelle sauce on allait être mangé. Déjà en termes d'univers, c'était atypique par rapport à ce qu'on peut voir dans le jeu vidéo. Mais en plus, en termes de gameplay, pendant très longtemps, on ne savait même pas ce qu'allait être le jeu, quoi. Il a fallu attendre en gros le 3 2018 avant de commencer à savoir que c'était un jeu où on allait beaucoup marcher et avoir beaucoup de colis sur le dos, poser des échelles et tout. C'était vraiment très bien réglé, tu vois. Il y a eu, comme on a dit, le 3 2016, il y a une première cinématique qu'on trouvera dans le jeu. E3 2017, on découvre aussi que là, il y a Guillermo del Toro qui revient, qu'il y a Mads Mikkelsen. Oui, parce que ça aussi, on peut en parler, c'est que dans P.T., on savait que c'était Norman Reedus qui allait avoir le rôle principal du Silent Hills, et que Guillermo del Toro participer à la réalisation, quoi. Je pense pas qu'il était forcément acteur, hein, dans Silent Hill, en tout cas, pas prévu comme ça. Et là, donc, on retrouve ses potes, les gens avec qui il avait prévu de bosser, mais il y a aussi Mads Mikkelsen, il y a Léa Seydoux, enfin, tous les ans, ou à la fin, peut-être tous les 6 mois, t'avais un nouveau trailer, tu découvrais qu'il y avait de nouveaux acteurs. C'était vraiment des rendez-vous, en fait, avec Death Stranding. Ça loupait pas à chaque fois qu'il y avait un grand événement. Et jusqu'à la sortie, en fait, ça a été assez régulier. À la fin, là, il balançait limite, t'attendais un trailer de 10 heures de cinématique, allez, on vous balance tout, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'images à la fin. Mais comme vous le disiez au début, c'était juste intrigant, on savait pas trop ce qui se passait, on te mettait dans des situations en plein jeu sans avoir de contexte, c'était très bizarre. Et E3 2018, voilà, on sait qu'on va livrer des colis en Islande, on commence à savoir que ça va marcher dans des paysages. Voilà, mais c'était pas encore non plus 100% clair, mais déjà, on réalisait un petit peu la direction que ça allait prendre. Ouais, c'était vraiment une communication complètement unique, en fait. Un Death Stranding pour un AAA, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que là, à chaque fois, c'était des trailers de 6, 7, 8, 10 minutes. Hein. Alors, c'est très classique dans la com des jeux à la Kojima, mais parce que MGS5 avait été annoncé un peu de la même manière, avec un trailer qui avait duré une éternité. Mmh. Et là, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire, comme on le disait, que dès 2016, on voyait des cinématiques qui étaient dans le jeu, qui sont dans le jeu de base. Donc, en fait, je n'ose même pas imaginer le peu de temps que finalement ils ont passé. J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce d'énergie créative du côté de Kojima quand il s'est senti libéré de chez Konami. Il a écrit l'univers, il a écrit les scènes, il a écrit les dialogues et quelques mois plus tard, on commençait à voir popper des cinématiques et ils pouvaient les balancer telles quelles pour préparer la communication de leur jeu qui a été quand même assez maîtrisé, parce que réussir à intriguer les gens pendant aussi longtemps sans jamais qu'on voit d'images de gameplay et qu'on sache toujours pas ce qu'on allait y faire dans ce putain de jeu, c'était quand même assez impressionnant à vivre. Et si vous avez connu ces années-là où vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo, je pense que comme nous, vous deviez être vraiment dans l'expectative en vous disant « mais qu'est-ce qu'on y fout, quoi ?» Même si c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que c'est un risque quand même de ne pas présenter à tes consommateurs potentiels à quoi tu vas vraiment jouer. Et pour moi, vraiment, cette phrase, je crois que c'est Marc Cerny qui a dit ça, qui dit « bah voilà, il faudra y jouer quelques heures pour vraiment comprendre ce que c'est Death Stranding », pour moi, pour n'importe quel autre jeu, ce serait vraiment du bullshit, ce serait vraiment du truc un peu genre « vous allez voir, c'était vraiment incroyable », alors qu'en fait, c'est Assassin's Creed. Mais en fait, là... Allez, bim il est pas non, sorti mais, encore, le non, pauvre. Non, pour dire que c'est un jeu, ça allait être encore en action RPG, hack and slash, enfin des choses auxquelles on a justement déjà joué, alors que là, Death Stranding, bah vraiment pas du tout. Je pense que c'est vraiment un jeu qui se ressent beaucoup dans les doigts. On comprend en fait toute la complexité de la marche, mais on pouvait pas la voir dans les trailers, parce que bah si on ne la joue pas, on peut pas comprendre ce qui se passe concrètement dans le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est, je pense, déjà une des pistes qui permet d'expliquer pourquoi le jeu a divisé, c'est que déjà les gens ne savaient pas forcément à quelle sauce ils allaient être mangés, ils ne savaient même pas s'ils allaient aimer le jeu. Aujourd'hui, c'est quand même assez facile de se projeter quand même avec des images de gameplay. Là, Kojima, ils ont dû montrer plus d'une heure de gameplay à un Tokyo Game Show et... Bon, on savait pas forcément bien plus si on allait aimer ou pas, quoi. Et puis en plus, il y avait cette com très Kojima avec des blagues permanentes où tu voyais Norman Reedus qui allait prendre un bain, qui faisait pipi. Enfin, tu le voyais faire des actions qui, dans le jeu, ont un sens, tu vois. Tu sais pourquoi tu le fais ça une fois que tu joues et tu comprends pourquoi il te montrait ça. Mais quand toi, t'as pas le contexte, on te dit juste, bah, tu vas marcher. Et c'est une action qui est tellement basique, qui est tellement, on va dire, simple. Tu vois, c'est vraiment le truc minimal que tu peux faire dans un jeu vidéo, marcher. On pouvait pas savoir, en fait, avant d'avoir la manette dans les mains, que ça allait être tout l'intégralité du jeu allait tourner autour de ça. Et alors, je sais pas dans quelle mesure ils ont volontairement caché ça jusqu'à la fin, mais en tout cas, c'est sûr que dans la com, on ne pouvait pas savoir que ça allait être compliqué de marcher dans le jeu. Bah, de toute façon, c'est quelque chose qui aurait été très dur à vendre, et c'est pour ça qu'ils ont autant capitalisé sur l'univers dont on va parler plus tard, mais qui est très réussi, qui est très intriguant. Ils se sont dit, de toute façon, avec ça, banco, il y a juste à montrer des cinématiques du jeu, et c'est bon, les gens vont être un peu, accrochés à l'univers, et puis bon, il y a aussi tout le côté Kojima avec le bébé qui montre son pouce, ses fesses, voilà, c'est devenu un petit peu des icônes. Il en a fait d'ailleurs les intros des futurs des trailers d'après, le bébé qui montre son pouce, c'est devenu une petite icône. Oui, et pour terminer du coup sur toute cette partie un peu communication, on rappelle qu'au dernier E3, il y a un jeu indé qui a recopié le trailer de Death Stranding. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une espèce de vieil homme sur la plage qui prend un truc dans ses bras et tout, il a repris l'imagerie du trailer de Death Stranding. Je sais pas, ça ne me dit rien du tout. Là, tout de suite, ça me dit rien, mais ouais, c'est rigolo de voir que ça a marqué les gens à ce point-là. C'est un vrai trailer de vrai jeu. Et, enfin, limite, tu dis, le moment où on a vu le trailer de Death Stranding, en fait, il appartient presque au patrimoine maintenant. Enfin, c'est quand même assez particulier, quoi. Et le jeu donc sort, on l'a dit, fin 2019, oui. Ouais. Et bah, avoir un succès quand même assez critique, assez quand même favorable. Hein. Je crois qu'on a noté les métacritiques, on est sur du 86. Sur PC, 82 sur PlayStation 4, d'après ma fiche. Pas ouf, hein, pas ouf, ouais. Ouf. C'est ouf, bien, ouf. Mais ça pourrait être mieux. Voilà, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Et effectivement, et puis un succès commercial, aujourd'hui, on n'a pas trop les chiffres hein, sur Death Stranding. On sait simplement que avant de sortir sur PC, Kojima Productions et Sony seraient rentrés dans leurs frais, donc ils ont atteint leur petit seuil de rentabilité, et après sur PC, la sortie va donc rajouter un petit peu de mayonnaise sur la couche de Nutella, histoire de mettre un petit peu de gras par-dessus tout ça. Sachant que dès en amont de la sortie PC, on savait déjà qu'ils étaient en train de commencer à préparer l'avenir, alors ça a été confirmé il y a quelques jours, ils travaillent sur un nouveau jeu, bon la surprise est absente, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait ils ont vraiment réussi à entamer ce cycle de vie sain d'un studio de jeux vidéo qui est je fais un jeu, je rentabilise ce jeu, j'ai de quoi démarrer le prochain projet. Ce qui est, dans un monde idéal, la solution la situation que tout le monde recherche. Et c'est cool de se dire qu'ils ont réussi à le faire alors que c'était un jeu qui était pour le coup complètement atypique, quoi. Alors, on parlait de cet univers vraiment intrigant et atypique. Ben, on va justement essayer de rentrer dedans par le jeu. Alors, Death Stranding, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le Death Stranding, tout simplement? Ben, c'est une espèce de grande explosion qui aurait ruiné l'ensemble du territoire des États-Unis. Et ce Death Stranding, eh bien, il a eu lieu à cause de quoi? Eh bien, à cause d'une rencontre entre un humain et ce qu'on appelle un échoué, un BTs, les Beach Things, qui sont donc des espèces d'entités fantomatiques, qui seraient coincées entre la vie et la mort et qui essaieraient de se raccrocher au vivant. Hein, donc, c'est ces fameuses ombres qu'on voit tout au long du jeu. Et en fait, ces ombres, quand elles arrivent à agripper un humain et à le tuer, en fait, ça crée ce que le jeu appelle un Void Out. Donc une espèce d'explosion de vide avec cette espèce de grosse marque de main qui va terminer au sol. Donc il se passe ça, c'est pas ouf déjà, il y a eu cette grosse explosion et qui en plus a provoqué l'arrivée justement de ces entités fantomatiques en grand nombre en fait, hein, vraiment sur le territoire, et elles sont liées à la pluie, à une pluie qui s'appelle je crois que c'est le Timefall en anglais, c'est une pluie en fait qui quand elle te tombe dessus, elle te fait vieillir et elle fait en plus apparaître ces fameux échoués. Donc c'est pour ça que les États-Unis ressemblent à l'Islande dans le monde de Death Stranding. Et on y incarne donc Sam Porter Bridges, qui est un porteur, tout simplement. Un porteur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait des livraisons. C'est le livreur Uber ou Deliveroo qui emmène des marchandises d'un point A à un point B et qui, en fait, permet de ravitailler les gens, puisque dans cet univers, tout le monde vit confiné dans des bunkers. Ça commence à vous rappeler peut-être des choses. Et donc, on incarne ce porteur qui vit, en fait, un petit peu... Il vit un peu dans son coin. En fait, il ne fait plus partie de cette espèce de grande entreprise qui s'appelait Bridges et qui gérait tout ça. Hein. C'est le Amazon local. Et il n'en faisait plus partie jusqu'à ce qu'il se fasse rappeler par la présidente actuelle des États-Unis, en tout cas ce qui reste des États-Unis, donc Bridget, il me semble. Bridget Strand. Attention. Les noms, c'est important. Ouais, il y a des mots que vous allez entendre plus d'une fois et pas dans les mêmes contextes. Ouais. Et donc, elle lui propose une mission assez simple qui est de reconnecter l'ensemble des États-Unis. Et pourquoi elle s'adresse quand même particulièrement à Sam? Eh bien, parce que Sam, il est spécial. C'est l'élu. Il a une maladie qui s'appelle le Dooms parce que c'est un rapatrié. Alors, Maxime, qu'est-ce que c'est qu'un rapatrié? Rapatrier, c'est une personne, quand elle meurt, eh bien en fait elle ne meurt pas vraiment, elle a son âme qui peut sortir un petit peu de son corps et retrouver son corps et finalement revivre tout simplement. Elle ne meurt pas, donc voilà, c'est un rapatrié et c'est bien pratique parce que du coup, quand il est question de livrer des choses et d'aller donc à l'extérieur, de traverser ces grandes zones désertiques et peuplées de fantômes, en fait, Sam, il ne risque rien, puisque même s'il se fait attraper, alors il peut créer un void out, mais comme il n'y a plus personne, de toute façon, ça ne pose plus trop de problèmes à grand monde, et lui, il pourra quand même revenir à la vie, ce qui n'est pas le cas de n'importe quel autre humain qui se ferait choper par les échoués. Alors, à noter par contre qu'il n'est pas le seul à atteindre cette maladie-là. C'est-à-dire que c'est l'élu, mais il n'est pas forcément le seul. Voilà, c'est un peu compliqué. Plusieurs élus, c'était oui, démocratique. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Il y a également les petites marmottes avec leur papier d'alu, etc. C'est très important. Hein. Ça, alors, pour faire l'explication scientifique mais rapide, il y a plusieurs niveaux de Dooms, et Repatriate, c'est un des niveaux de Dooms. Sam peut aussi sentir, percevoir les BTs, mais ne peut pas les voir, puisque ça demanderait des niveaux supérieurs. Et c'est notamment Fragile, alors je ne sais pas si on en parlera beaucoup dans l'histoire, mais Fragile, qui elle a aussi une société de livraison privée qui n'appartient pas à Bridges, on la croise, elle peut voir les BTs, mais aussi se téléporter sur sa plage, qui est une espèce de plan d'existence entre la vie et la mort. On en reviendra peut-être aussi dessus. Il y a plein de concepts. En fait, on ne va pas pouvoir aborder tous les concepts, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, mais effectivement, Sam, ce n'est pas le seul. Sam, c'est aussi le fils de la présidente, hein, le fils adoptif, oui, adoptif, je sais pas à quel point il le sait, mais oui, adoptif, je sais pas si on lui a menti ou quoi, mais oui, bref. C'est le twist final du jeu, d'apprendre finalement de qui il est réellement c'est le ça. Fils dans l'histoire. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il a été élevé par elle, et donc forcément, quand elle l'appelle sur son lit de mort, hein, parce qu'elle est en train de mourir d'un cancer, même s'il fait la gueule, il se dit bon, bah, allez, je vais arrêter de bouder, et je vais aller la voir, et je vais l'écouter me dire qu'il faut sauver les États-Unis. Elle meurt assez rapidement. Bridget meurt. À la place, il décide de mettre sur le trône des États-Unis Amélie, qui était la fille de Bridget. En fait, c'était la même personne, mais on vous le dira plus tard. Et donc Amélie, elle est bloquée sur une plage. Elle prétend avoir été kidnappée par des terroristes, etc. Sur la côte ouest, sur la côte ouest des États-Unis. Et donc on est à New York et faut la. Exactement. La rue non, mais c'est littéralement c'est ça. C'est littéralement ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment ça, il faut retraverser les États-Unis, et donc bah en fait Sam se retrouve à devoir se balader avec ses petites clés USB là, les petits cupidons qui permettent de relier les différents lieux à la ville centrale, et donc en fait de permettre aux gens de communiquer entre eux et de recréer un lien, puisque bah, les gens forcément sont isolés voilà, c'est un peu ça le rôle de ils connectent la fibre, hein, tout simplement, hein. C'est rapporter la fibre à chaque personne, et du coup bah comme quand il faut qu'on vous installe la fibre, il y a un moment il faut qu'il y ait un mec qui se déplace et qui fasse toute la petite installation, et bah c'est exactement ce que va faire Sam. Donc tout au long du jeu, on va vraiment de nœud en nœud reconnecter les États-Unis jusqu'au point là-bas à l'ouest. Mais par contre il y a une autre histoire dans le jeu, une histoire qui est un peu plus personnelle, un peu moins macro, qui est celle avec Bibi, donc ce fameux bébé qu'on a vu pendant tous les trailers, que Sam récupère en fait très tôt dans l'aventure. Alors qu'est-ce que c'est les Bibi? Ce sont des Bridge Baby, hein, donc des bébés ponts, et ce sont des bébés qui sont conservés, qui ne sont pas encore nés, mais ils existent encore un petit peu. En fait, ils sont entre la vie et la mort. Et en fait, l'utilisation de ces bébés permet de repérer, à l'aide de l'Odradek, qui est donc un espèce de détecteur que tous les porteurs ont accroché sur leur sac à dos, qui permet justement de voir les échoués, et donc de pouvoir naviguer, se déplacer entre ces bébés. Et donc toute l'histoire de Death Stranding va se nouer en fait entre ces deux arcs narratifs, donc la reconquête des États-Unis, et qui va faire intervenir tous les personnages qu'on a découverts dans les trailers, donc Fragile, il va y avoir Guillermo del Toro, en fait tout le jeu est découpé en chapitres, hein, et chaque chapitre correspond à un personnage. Il y a aussi Nicolas Winding Refn qui incarne Hartman, et puis il va y avoir Higgs, et jusqu'à la fin avec Amélie. Et puis, à côté de ça, il va y avoir toutes ces espèces de flashbacks qu'on va avoir, en fait, avec Bibi, puisque pour pouvoir observer les échoués, Sam doit se connecter à son Bibi. Et en fait, à chaque fois, en se connectant, on va pouvoir revivre ce qu'on croit être les souvenirs de ce bébé, et sont donc tous les passages qui vont faire intervenir notre cher Mads Mikkelsen, qui va lui raconter des choses devant le lit de sa mère, qui est maintenue dans une espèce de coma artificiel, hein, je crois, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les pseudomères, hein, dans le jeu, il me semble. Et voilà, le jeu se noue vraiment entre ces deux intrigues. Et finalement, ce qu'on apprendra à la fin, c'est que d'un côté, Amélie n'était donc pas, comme tu le disais, Benoît, ce n'était pas la fille de Bridget, c'était sa partie spirituelle qui est bloquée sur la plage. Hein, donc, en fait, les plages dans le jeu, c'est quand même un concept assez important. Hein, c'est une espèce d'autres plans, on va dire, allez, le plan astral. Moi, j'aime bien le plan astral, ouais, c'est toujours ça assez marche, facile. En fait. D'ailleurs, en français, le terme technique, c'est la grève. Ouais, la grève, pas de tout la fait. Plage, c'est juste qu'ils utilisent beach en anglais, donc on a tendance à dire plage, mais voilà. Si vous avez fait le jeu intégralement en français, ils parlent de grève, c'est de ça dont on parle. C'est vraiment une espèce de on va dire, de lieu de passage hein, qui permet oui, de entre passer... La... Entre la vie et la mort, en fait, exactement, et c'est une espèce de voilà de plan qui se situe entre les deux, et donc l'esprit de Bridget est donc là, c'est Amélie, et on apprendra qu'en fait, bah, Amélie, elle est ce que le jeu appelle un agent d'extinction. En gros, son rôle d'existence, hein, son essence, elle précède son existence, c'est qu'elle doit être, elle doit créer une mass destruction, elle doit faire de la destruction de masse et complètement rayer l'humanité de la surface de la Terre. Mais comme c'est quand même une incarnation humaine, elle a quand même un conflit en elle qui, parce que bah, elle est humaine et qu'elle a envie de, elle reste attachée au monde des hommes et donc elle lutte contre son essence en fait. C'est ça, Maxime, je vois que tu valides. C'est globalement validé, oui. Et juste bien, pour rentrer dans des mini-détails, c'est Bridget, on apprend qu'en fait, elle faisait des expériences en fait, sur les Bridge Babies, il y a longtemps, pour justement étudier la plage, etc. Et elle a tiré en fait, sur le père du premier Bibi qui essayait de s'échapper avec. Et en fait, qui était donc Sam, twist incroyable, le Bibi était Sam et son père était Mads Mikkelsen, alias Clifford Unger. Et en fait, elle a tué Sam dans le process en tirant sur le père. Et à ce moment-là, donc, il s'est retrouvé donc, en forme de bébé sur sa plage, puisqu'il allait mourir. Oui, passer, ouais, et en fait, la manifestation astrale de Bridget, donc Amélie, est allée sur la plage sauver Sam, puisqu'elle avait des remords. Et c'est au moment où elle a sauvé Sam qu'elle a donc déréglé un petit peu le cours de l'équilibre astral, justement. Et c'est ça, en fait, qui aurait causé le Death Stranding initial. Comme on le disait, en fait, c'est que malgré elle... elle a créé ça en fait, elle a enclenché ça, c'est un petit peu voilà, contre sa volonté quoi. Et du coup, bah, en fait, elle avait une espèce de destin, elle était quelque part condamnée, tu vois, il y a un côté un peu grec de la tragédie où elle était condamnée à détruire le monde, et à la toute fin, en fait, Sam, après 2 heures d'interminable cinématique, a la possibilité de lui tirer dessus ou pas, et en fait, il décide de ne pas lui tirer dessus, mais de lui faire un câlin, et grâce au pouvoir de l'amitié, les autres qui étaient donc Hartman, Deadman, toute la clique des Scooby-Doo, arrivent à retrouver Sam, à le rapatrier une dernière fois sur Terre, et Amélie en fait s'est décidée que comme elle avait eu un câlin, elle n'allait pas détruire l'humanité et qu'elle allait les laisser tranquilles pendant encore quelques milliers / millions d'années, on ne sait pas, mais en tout cas l'humanité est sauvée et tout le monde a le droit à du champagne à la fin. Oui, c'est ça en fait, c'est un peu difficile de vraiment déterminer toutes ses intentions puisqu'il y a des choses qu'elle fait malgré elle et des choses qui sont sa propre volonté, et il y a un moment où Amélie a décidé d'accélérer un peu le process, elle s'est dit bon bah tu sais quoi, vu que le monde il va exploser, je vais le faire maintenant, on va pas se prendre la tête, et c'était ça toute la stratégie, reconnecter le fameux réseau en fait faisait partie de la stratégie pour faire péter le monde, puisque on l'a pas dit mais les grèves, en fait il n'y a pas une grève pour tout le monde, c'est que chacun a sa propre grève, et par effet magique parce que le réseau était connecté, Médiclorien et compagnie, toutes les plages étaient reliées entre elles et allaient faire péter le monde, et finalement voilà, avec le câlin, Amélie fait allez, finalement, je ne vais pas faire péter le monde maintenant, mais il pètera un jour, ça je ne peux pas complètement l'empêcher. Ce que je peux juste faire, c'est retarder cet effet-là, et ce sera des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'années, on ne sait pas exactement comme tu l'as dit. Voilà, ça pètera un jour, mais ok, ce sera plus tard, ce ne sera pas aujourd'hui, j'ai eu mon câlin, vous pouvez vivre encore un petit peu les loulous. Mais ce n'est pas fini, parce que le jeu ne se termine pas là-dessus, puisque donc Sam est rapatrié par tous ses amis, qui le ramène d'ailleurs justement grâce à ce fameux pistolet qui n'est plus un pistolet mais qui est utilisé comme une corde, hein, comme un lien, voilà, complètement subverti l'utilisation de cette arme, Kojima génie. Mais surtout ce qui va se passer, c'est que bah, à la fin du jeu aussi, il y a toute cette relation avec Bibi qui est cassée, hein. Hartman n'arrête pas de lui dire qu'il est cassé, qu'à un moment, il va falloir le détruire, parce que c'est un outil, c'est pas un être auquel on devrait s'attacher, mais malgré tout, bah, Sam, il s'y attache à force de se balader avec lui et de lui faire des petites berceuses, et à la fin du jeu, il apprend que ce bébé va devoir être détruit, donc il faut l'incinérer, parce que dans ce monde, si on détruit un être sans l'incinérer, bah, ça crée un void out, mais Hartman Superman lui dit hey, si tu veux, j'ai trouvé une combine, tu vas peut-être pouvoir le sortir de son bocal. C'est pas sûr qu'il survive, mais ça vaut le coup d'essayer plutôt que de l'incinérer. Et c'est ce qui va se passer. Et le jeu se termine donc sur Sam qui tient enfin le petit bébé dans ses bras. Il est libéré de son petit pod. Et Sam qui décide de l'appeler Lou, Louise, parce que c'est une petite fille. Et qu'il l'appelle comme ça, je crois, en hommage à sa fille qu'il avait perdue, justement. Alors, il y a toute cette partie qui est expédié par le jeu, mais effectivement il y a un moment où Sam se met à appeler le bébé Lou, ça sort un peu de nulle part et en fait Deadman, donc Guillermo del Toro note qu'il l'appelle Lou et il dit ah oui c'est vrai j'ai appris quelque chose sur un homme il y a longtemps proche de la présidente qui avait une femme qui est morte pendant le Death Stranding et qui serait enceinte, donc sous-entendant complètement que c'est lui évidemment, si vous n'aviez pas compris voilà, donc Lou aurait été une... alors je sais pas si c'est le nom qu'aurait dû porter le bébé ou voilà, mais à la fin effectivement il apprend que c'est une fille, il l'appelle Louise et j'en profite juste pour dire que cette scène en fait renvoie au début du jeu, puisque au moment où on doit incinérer la présidente, ce qui est notre première mission officielle avant de reconnecter l'Amérique, il faut aussi se débarrasser du bibi. Il faut aussi l'incinérer, et en fait on le garde parce que finalement il marche, il fonctionne, on se rend compte, on s'échappe des bêtises avec lui, il décide de le garder, mais c'était une de nos premières missions de l'incinérer, et ça se termine avec cette mission-là de l'incinérer à nouveau, et finalement voilà, on le garde et c'est Louise. Tout a du sens, c'est merveilleux, tout est reconnecté à la fin, le début c'est reconnecté avec la fin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est beau. C'est ça. Alors je pense que vous pouvez noter une certaine espièglerie dans la voix de Benoît vis-à-vis de toute cette histoire. Alors bon, c'est très compliqué quand même de résumer l'histoire de Death Stranding, surtout que voilà, c'est un jeu qui, à la fois un univers qui est assez atypique, mais en plus qui met des mots sur plein de concepts qui n'appartiennent qu'à lui, hein, cette histoire de rapatrier, de dooms, de bibi, de grève, c'est des trucs en fait qui n'ont vraiment du sens que quand on arrive à peu près à les comprendre dans le jeu, donc c'est vrai que c'est difficile à... C'est difficile à la fois comprendre et surtout à raconter, et je pense que le jeu illustre très bien cette difficulté, parce que autant c'est vrai que je pense qu'on a tous été assez fascinés très rapidement par l'univers et l'esthétique du jeu, alors il y avait déjà les trailers qui étaient très intrigants, mais dès le début, ces entités fantomatiques, ces trucs-là, c'est vrai que le jeu avec son esthétique islandaise, il arrive à nous plonger dans une ambiance qui est assez unique, avec cette pluie, ce truc qui est à la fois déprimant et à la fois assez magnifique, parce que le jeu il est quand même très beau. Donc il arrive à faire tenir cette esthétique, mais par contre, expliquer son univers, ça, bah, même le jeu, il a beaucoup de mal à le faire, puisque bah, il va à de nombreuses fois s'entériner dans des explications et dans une narration qui est quand même assez lourdingue. Ouais, c'est vraiment un des problèmes du jeu majeur, c'est qu'en fait, il ne peut pas s'empêcher, quand il nous présente une nouvelle notion, un nouveau concept, que ce soit un concept dans l'univers, de lore, ou donc de l'histoire, ou un concept de gameplay, de nous le répéter plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on l'ait compris. Sauf qu'en fait, on l'avait déjà compris dès la première ou la deuxième fois. À partir de la quatrième ou la cinquième fois, ça commence à devenir lourdingue. Et comme c'est systématique du début jusqu'à la fin du jeu, puisque ben, on récupère des nouvelles strates de gameplay jusqu'à la toute fin de l'aventure, on va découvrir de nouveaux éléments de gameplay. Je pense que quand on commence à jouer au jeu, il faut quand même attendre peut-être le chapitre 3 ou 4, je crois, avant qu'on puisse sortir d'une base et commencer une livraison sans qu'on soit constamment appelé sur notre petite menotte slash téléphone portable par 4 personnes qui nous répètent la même chose. Donc ça, il y a déjà ce côté assez fastidieux de l'explication qui n'aide pas du coup à comprendre l'univers et qui en plus rajoute une espèce de fausse complexité qui n'a pas vraiment lieu d'être, parce que du coup on va récupérer une grenade, donc ils vont nous dire « Oh, tu as récupéré une grenade !» Ils vont nous expliquer comment est fabriquée la grenade. Elle est fabriquée à partir de nos excréments, ou de notre pipi, ou de notre urine, ou de notre sueur, ou je sais pas quoi. Ensuite, ils vont nous expliquer à quoi ça sert les grenades. Tu sais, genre, bah, c'est pour faire péter des trucs, mais ils nous le disent. Ensuite, quand on est proche d'un BT et qu'on va pouvoir le faire exploser avec la grenade, on va avoir un petit moment où on nous dit « Il faut que tu le fasses exploser avec la grenade !» Et ça, c'est pour tous les éléments. Donc, il y a quelque chose d'assez... vraiment de très fastidieux, de très lourd dans les explications. Et malheureusement, ça, c'est que les explications de gameplay à côté, ouais, la narration en elle-même de l'histoire, qui a, en tout cas, à mon sens, les mêmes défauts. C'est-à-dire que, même pendant les cinématiques, ils vont nous répéter ad nauseam les mêmes concepts, nous redire les mêmes choses tout le temps, alors que, finalement, quand on prend on va dire l'essence de l'histoire, elle est relativement simple à comprendre, mais ils vont la complexifier pour la rendre moins intelligible finalement. Et puis ça tombe vraiment à des moments assez attendus. Il y a un peu tu sais quand il y a des gros moments d'infos qui vont te tomber sur la gueule par palette, puisqu'il y a une structure narrative qui est assez classique, hein, où c'est vraiment tu livres ton colis, tu arrives à la base, on va te dire cool, t'as livré le colis, merci et tout. Et en général, c'est à ce moment-là, ou alors quand tu t'es reposé, que ta manette va sonner 3 fois, qu'on va t'expliquer 8 fois ton colis, la nouvelle mécanique que tu viens d'apprendre, parce que ça se fait comme ça aussi. Et oui, t'en as. En général, tu fais ta mission qui va durer peut-être, je sais pas, entre 10 et 20 minutes, et tu vas avoir au moins 10, enfin 5-10 minutes d'explication. Et c'est un moment que tu redoutes un peu, je trouve, dans le jeu au début. Tu sais, tu sens que le bâton, il va venir, il va te frapper sur la tête, tu te dis, ah, ils vont encore me prendre la tête, c'est parti, quoi. C'est vrai que c'est un peu relou, ça. Et puis c'est vrai que c'est vraiment un jeu Kojima dans le sens où il met énormément de cinématiques, hein. Je crois qu'on s'est amusé à regarder, je crois qu'il y a bien 11 heures de cinématiques dans le jeu. Moi je crois que j'en ai mis une grosse trentaine pour le finir, donc ça donne un petit peu le ratio. Alors ça a toujours été le cas, hein, dans les Metal Gear Solid, mais c'est vrai qu'il y a énormément de cinématiques au début, hein, pour rentrer vraiment dans le jeu. Il y a quand même de longs moments où on a très très peu de contrôle sur ce qui va se passer, et puis il y a une énorme concentration de cinématiques et de longues phases de délibération et d'explication sur les twists à la fin. Moi je me souviens quand même cette fin où on est sur la plage et on est assis avec les espèces de visions de Amélie qui parle autour de son lit de mort et qui t'explique les trucs. Ça n'en finit pas, c'est vraiment extrêmement long. C'est plusieurs heures, hein. C'est-à-dire qu'on récupère le contrôle quelques instants pour courir d'un bout à l'autre de la plage avec Norman, mais sans plus de raison que ça. Et la fin en elle-même, entre la confrontation finale avec Higgs et ensuite vraiment le bout du bout des explications avec Amélie et le fameux câlin qui sauve l'univers, à vue de nez, ça prend plusieurs heures. Donc c'est vrai que c'est pas forcément compatible avec des sessions de jeu assez courtes, et ça fait partie par contre effectivement de la proposition Kojima depuis toujours, qui est que il a quelque chose à dire et il va le dire de la manière qu'il a envie de faire, c'est-à-dire qu'il va pas forcément se poser des questions de comment on va lisser, comment on va faire une cinématique qui est digeste, qui va être regardable en 15 ou 20 minutes, etc. C'est peu importe, s'il y a 1h30 d'explication, il a envie de parler de Princess Peach, il a envie de faire combattre Higgs et Norman dans un setting qui fait penser à Street Fighter, il s'en fout, il va le faire en fait. Et il y a aussi, on parlera un petit peu des thématiques plus tard, mais c'est un jeu qui va nous parler de connexion, versus l'isolement, de se faire des amis et tout. C'est donc un jeu qui va explorer, enfin nouer des relations avec Norman Reedus, hein, qui va se faire des amis sur son trajet dans un schéma un peu shonen, hein, où Sam au début c'est le mec qui a même une phobie un petit peu du contact humain, qui est un peu enfant sauvage à certains moments. Il y a des personnages qui s'approchent de lui et lui il s'éloigne instinctivement. Ça c'est très appuyé dans les scènes, mais du coup il y a des chapitres qui sont consacrés à des personnages du jeu. On a Die Hard Man, on a Dead Man, on a Hartman, on a Fragile, on a Mama. C'est un peu les 5 perso entre guillemets principaux. Il y a Clifford aussi, Unger, qui est le Mads Mikkelsen, et il y a un traitement assez inégal de ces persos. Et bon, nous on a trouvé, hein, que c'était aussi peu intéressant d'une manière générale. Il y a pas je n'ai pas trouvé que le jeu arrivait vraiment son pari de nous attacher à ces gens là qui sont censés devenir nos amis, en tout cas ceux de Sam, puisqu'ils sont très unidimensionnels. Ils sont définis par une chose, c'est dans leur nom. Mama, voilà, bah, elle est maman, elle a une histoire avec une sœur jumelle avec laquelle elle avait un lien. Mais celui que j'ai trouvé très bizarre, c'était Deadman. Lui, il te lâche un moment comme ça dans un dialogue que, bah voilà, c'est littéralement le monstre de Frankenstein, qu'il est composé de corps morts ou d'organes morts. Et voilà, en fait, c'est tout. Il n'y a pas de backstory, ça ne définit pas sa personnalité. Littéralement, il pourrait s'appeler Man, avoir la même personnalité, dire les mêmes choses au même moment, faire les mêmes choses. Ça n'aurait aucune différence, ça ne le définit en aucun moment. C'est pas une personnalité, c'est une info, en fait, qui te donne. Il dit juste, ah, au fait, je suis composé de corps morts et d'organes morts. Et c'est tout, ça n'explique ou ne définit rien par rapport à lui. C'est un peu bizarre, c'est un peu difficile d'aimer ça, je trouve. En fait, il y a quelque chose qui est très particulier dans Death Stranding qui, je sais pas, a été le cas dans les MGS, parce que j'ai pas encore eu le courage de Hugo, ni le coup de cœur de Hugo pour me jeter dedans, mais c'est moi qui m'avait choqué quand j'avais fait Death Stranding, c'est que les personnages, en fait, sont une fonction. C'est pas des personnages d'écriture ou de fiction, ce sont des personnages de jeux vidéo qui ont une fonction première, et une fois que cette fonction, elle est effectuée ou qu'elle a été présentée, ben, en fait, ils n'ont plus aucune raison d'exister. Mama, c'est une mère, et donc, ben, quand elle règle l'histoire, quand Sam, il règle son histoire avec son enfant, qui en fait est un enfant, donc BT, elle est reliée encore par le cordon ombilical avec son enfant qui est à moitié qu'un qui est mort. Une fois qu'elle n'a plus ça, elle disparaît, et comme par magie, il y a sa sœur jumelle qui a des yeux d'une autre couleur pour pas qu'on se dise que c'est la même personne, qui apparaît et qui devient du coup un autre personnage. Fragile, bon bah c'est son nom, hein, elle est fragile, mais elle n'est pas si fragile que ça, voilà, c'est un peu la blagounette qui vient. Et chaque personnage en fait est vraiment défini par sa fonction, donc en fait on a compris le truc. Cliffhanger, et ben en fait à la fin du truc, on découvre que il y a un cliffhanger et donc c'était lui le père de Sam. Die Hardman, c'est quelqu'un qui ne meurt pas. Deadman, c'est quelqu'un qui est mort. Hartman, c'est quelqu'un qui a un problème de cœur. Et Sam Porter Bridges, eh ben, c'est l'Amérique qui porte et qui fait des ponts. Voilà, puisque Sam, c'est l'oncle Sam. Porter, ben, c'est un porteur et Bridge, c'est un pont. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment fatigant. Moi, je me souviens que dans mon test vidéo, j'avais fait la blague en disant que moi, j'étais Dark Souls Man et que j'allais me définir uniquement par une de mes fonctions. Et ça, c'est quelque chose d'important que disait Max, c'est le côté unidimensionnel des personnages. C'est-à-dire qu'ils ont une raison d'être et c'est tout. Et ça, ça colle pas trop, malheureusement, avec cette envie de faire en sorte qu'on s'assoie aussi, qu'on s'attache à eux et qu'on se dise, bah, Sam va devenir, que ça va devenir nos potes. On n'est pas dans une logique, tu vois, d'un Mass Effect ou d'un, où il y a des personnages très chaleureux, où on a envie de s'attacher avec eux. Là, ça marche pas du tout comme ça. Non, et puis même en termes vraiment d'écriture, moi je pense que le principal problème, c'est que Kojima ne sait pas écrire de dialogue, et les dialogues, c'est ça qui donne vie à un personnage. C'est ça, à la fois un personnage il est défini par ses actions et par ce qu'il raconte, parce que c'est comme ça qu'on arrive à exprimer sa personnalité. Et Kojima, il écrit des dialogues qui sont écrits comme si c'était fait de l'américain, sauf que c'est lui qui les écrit. Enfin, c'est pas très bien fait, et en fait, il sonne toujours assez faux. C'est soit un peu trop solennel, soit ça tombe toujours un peu à côté. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas à donner vraiment une crédibilité, une humanité à ces personnages qui n'arrivent justement pas à dépasser leur fonction. Et voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça pour finalement tout ce qui fait le jeu. Parce qu'en fait, je crois que tout cet univers, il est beaucoup plus là pour justifier ce qu'on va faire concrètement en jeu et le gameplay et ce qu'il avait envie de nous faire faire dans ce truc-là, de nous faire reconnecter des trucs, de nous faire relier des choses, de privilégier la corde plutôt que le flingue. Ça, c'est vraiment ce qu'il avait envie de faire. Mais les personnages sont juste là pour donner, pour appuyer des motifs ou des symboles dans cette imagerie-là et dans les thématiques du jeu. Mais ils ne font pas des personnages intéressants en tant que tel. Ouais, quand on a préparé l'épisode, on n'était pas tous les trois d'accord. On avait peur que ça soit un épisode un peu compliqué à préparer parce qu'on est vraiment tous les trois avec un avis assez différent sur le jeu. C'est relativement rare pour être signalé. Mais finalement, un truc sur lequel on était relativement d'accord, c'est que si on met de côté l'histoire, finalement, tout ce qui se passe au niveau du gameplay, tout ce qui se passe en termes de jeu, là, en fait, ça fonctionne, ça permet vraiment de transmettre tous ces messages, toutes ces thématiques qu'on va développer un peu plus tard. Là, ça fonctionne vraiment bien. Et donc, finalement, on a décidé voilà, de commencer par cette histoire de narration en disant, bon, ça fonctionne pas trop. Rappeler que ben, voilà, cette histoire d'écriture des personnages, ça peut être problématique et ça fait partie des éléments qui font que le jeu est très segmentant hein, parce que ben, si on n'accroche pas à cette manière-là de raconter, on peut passer complètement à côté du jeu, mais c'est pas le seul élément qui est très radical, puisque même dans son gameplay, Death Stranding, malgré le fait que ça soit un open world triple A sorti dans les années 2015+, ce n'est pas du tout un jeu similaire à Assassin's Creed ou The Witcher, il a vraiment une proposition complètement unique. Ouais, effectivement, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, mais c'était très difficile de se projeter dans les trailers du jeu, parce qu'on ne pouvait pas comprendre la complexité vraiment en termes d'exécution et de mécanique qu'allait demander la marche. Parce que vraiment, la marche dans Death Stranding, c'est quelque chose c'est compliqué, tu vois, de marcher dans Death Stranding. Parce que non seulement la vitesse avec laquelle tu vas te déplacer va être énormément impactée et aussi déterminée par le cargo que tu vas transporter. Parce que bah, si voilà, tu cours en étant totalement libre, bah, ça, tu verras pas la différence par rapport à n'importe quel AAA. Par contre, dès que tu commences à t'équiper et que tu commences à marcher sur des petits cailloux, cailloux, des petits rebords, des rochers, ça devient beaucoup plus compliqué et le jeu va tout de suite intégrer ça avec le fait de tenir les sangles de ton sac à dos pour éviter en fait que tu te casses la gueule. Parce qu'en fait c'est ça le cœur de jeu dans Death Stranding, c'est de transporter des colis. La chose à protéger, c'est les colis. Et donc, quel est le danger pour les colis? Bah, c'est que tu te croûtes et que les colis, bah, ils tombent par terre comme une boîte de pizza, quoi. Et donc ça, en fait, on s'en rend compte vraiment instantanément. C'est-à-dire qu'il y a la cinématique d'intro qui nous présente rapidement cette histoire de pluie. Sam, il perd sa moto, donc il est obligé de continuer la route à pied jusqu'à la prochaine base. Et là, vraiment, instantanément, dès qu'on prend enfin les contrôles du jeu, on voit rapidement les commandes de base où on peut découvrir la topographie. Donc on va avoir cette espèce de petit radar qui nous indique en permanence les endroits qui sont plus ou moins complexes à enjamber. Et instantanément, le rythme du jeu va se mettre en place. Il va y avoir toute cette routine qui va se mettre en place où on doit en permanence gérer notre équilibre, gérer notre vitesse, gérer notre endurance, et il va y avoir tout un tas de paramètres qui vont ne faire que se rajouter. Et en gros, instantanément, le jeu nous dit, ben en fait, voilà, moi, mon cœur de jeu, mon expérience de gameplay, c'est le fait de marcher et de se déplacer du point A au point B. J'ai vraiment pris l'expression terrain de jeu au pied de la lettre, et je suis allé vraiment au bout avec cette idée-là. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que pour le coup, on en a pas mal parlé avec Max, parce que lui, il a pas apprécié, hein, je le laisserai développer, lui, il a pas aimé ça, mais comme la proposition, elle est quand même assez radicale, c'est vraiment, tu commences le jeu, tu sais tout de suite si tu vas aimer ça ou si tu vas pas te plaire. Oui, c'est ça. De toute façon, j'ai pas grand-chose à dire sur ça, puisque ça a juste pas marché avec moi, en fait. Il y a pas eu ce match. Effectivement, dès le début, tu découvres un peu cette mécanique de la marche, l'équilibre, faire attention à pas trébucher et tout. Et j'ai pas pris un grand plaisir. Au début, moi, c'est l'univers un petit peu du coup qui me motivait. Je me disais, bon, allez, ce sera les cinématiques, on apprend sur l'univers qui sera un petit peu la carotte. Bon, ça aussi, ça s'est pas mal atténué. La carotte n'était pas très bonne. Ça s'est pas mal atténué avec le temps. Et en fait, la marche, j'ai jamais complètement accroché. Et là, j'ai pas de grande théorie à sortir dessus, à vous expliquer que ça vient de ma personnalité ou de mon enfance ou quoi. C'est juste que, voilà, aller du point A au point B et gérer l'équilibre, bah non, ça m'a pas du tout accroché. C'était juste l'ennui total. J'ai pas de reproche, en fait, à faire en disant que c'était particulièrement pénible ou que j'avais du mal avec ça. Non, j'avais pas de mal à le faire, j'ai joué quand même, j'ai commencé à en avoir marre au bout de 5 heures, j'ai poussé jusqu'à 10 parce que je savais qu'on en parlerait dans fin du game, mais à un moment j'ai dit bon stop, ça ne marche pas, je ne prends pas de plaisir à marcher, donc stop en ce qui me concerne. J'avais bien aimé quelques moments, ça on va pouvoir en parler, mais il y a quelques moments assez contemplatifs où la musique s'active, la caméra s'éloigne, mais j'ai pris du plaisir, voilà, ça durait 2-3 minutes et après c'était retour à la marche, je n'ai pas eu ce fameux état méditatif dont vous avez pu parler. Ouais, c'est vrai que moi c'est comme ça un peu que je qualifie mon expérience sur Death Stranding, parce que finalement cette marche, c'est une activité qui est à la fois extrêmement simple, mais le jeu a cette espèce, pour moi ça le côté brillant de Death Stranding, c'est de dire bah ok, on va faire ça dans un open world, et en fait bah comme c'est des espaces ouverts, mais comme c'est le cœur de jeu, c'est la marche, bah chaque centimètre carré de cet espace ouvert va venir rencontrer ce gameplay, va être cette espèce de source de friction, hein, presque littéralement, qui va venir s'opposer à ce gameplay de la marche. Et très vite, moi, c'est vrai que je suis rentré dans cette espèce d'état méditatif où, dans n'importe quel instant de jeu, j'étais toujours en train d'observer un peu les dénivelés, d'activer mon petit Odradek de temps en temps pour repérer les petits cailloux, de voir les pentes, d'essayer de repérer sur les crevasses pour voir, en fait, tout simplement où allait me mener mon prochain pas. Tu vois, c'est vraiment un pas après l'autre et je repère un petit peu où je vais. Et finalement, le jeu, c'est tout le temps ce qu'il va faire. Il va essayer de rajouter des couches pour t'opposer cette marche. Alors, je pense que le truc le plus simple à comprendre, c'est les phases avec les échoués, puisque là, on rentre dans une espèce de cola maillard comme ça, où on doit naviguer comme ça au milieu des échoués. Donc non seulement on a ce gameplay de la marche où on doit trimballer notre sac et essayer de ne pas se casser la gueule, mais en plus, à chaque coin de nos yeux presque, peut apparaître cette espèce d'entité fantomatique qu'il faut qu'on essaie de se déplacer autour sans se faire repérer comme ça. Et puis après, ça va se complexifier avec plein d'autres choses. Ça va être les mules, qui sont, je pense, on pourra le dire, pas un des éléments les plus intéressants du jeu, mais je pense que là Benoît me rejoindra, c'est sur les trucs dans la montagne. Bon voilà, dès qu'on commence à aller dans la montagne, là aussi il y a un intérêt qui est renouvelé pour cette marche, parce que bah, c'est beaucoup plus difficile de progresser, il faut vraiment faire attention à comment sont stratifiés les amonts et les avaux l'aval des montagnes, et pour pouvoir en fait ne pas tomber, parce que bah voilà, le moindre faux pas, la moindre mauvaise conception de ton chemin, de mauvaise planification va te coincer ou te dire bon attends finalement je peux pas passer par là parce que sinon je vais me croûter, etc. Et en fait c'est un jeu qui ne te demande pas beaucoup, mais en même temps qui te demande toujours un tout petit peu pour que tu restes concentré dans ce qu'on te demande de faire, et qui, mélangé à cette espèce de contemplation de la beauté environnante, parce que c'est quand même magnifique, enfin moi, l'Islande, depuis, j'avais déjà fait la blague dans Game Nazor, mais depuis que j'ai vu le clip Olala de PNL, je veux tout le temps y aller, tu vois, je me dis, voilà, c'est un endroit dans une des terres que j'aimerais bien visiter, et c'est vrai que, voilà, j'étais assez attiré par ce truc-là, et en fait, combiner cette beauté là, esthétique des paysages, plus cette espèce d'état un peu méditatif qui est demandé par un gameplay qui n'est à la fois pas très compliqué, mais qui te demande constamment d'être dans l'engagement, je trouvais que ça a fait un match assez particulier qu'aucun autre jeu ne m'avait donné et qui m'a fait rentrer dans cette espèce d'état méditatif assez reposant. C'est une espèce de flow, mais tu sais, c'est l'inverse du flow hardcore de l'arcade. C'est une espèce de flow très très très très doux et je pense que ça, je l'ai beaucoup ressenti et j'ai tout de suite accroché aussi grâce au game feel que je trouve très très réussi. Ouais, je suis assez d'accord avec cette idée que c'est un jeu en fait qui propose une action de tous les instants, mais qui n'est pas l'action à laquelle on s'attend dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des ennemis, il y a des combats, il y a des choses comme ça, mais globalement, minute par minute, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on progresse. Et en gros, ce que je trouve vraiment intéressant avec le jeu, c'est que la récompense, au lieu de gagner de l'XP, au lieu de gagner de l'argent, au lieu de sauter sur des coquilles, au lieu de trouver des armes ou des munitions, c'est simplement de progresser. Du point A au point B et de découvrir en fait ce qui se passe derrière la petite colline, derrière le truc et d'avoir réussi à ramener la progression littérale du personnage à travers les décors à un niveau aussi essentiel dans un jeu, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, tu vois. C'est peut-être, moi j'avais dit que c'était peut-être le premier simulateur de marche pour le coup, tu vois, c'était peut-être le premier vrai walking simulator parce qu'il y a beaucoup de paramètres de la marche qu'il faut prendre en compte pour avancer. Et là où le jeu est vraiment extrêmement malin, c'est que dès le début du jeu, je trouve qu'il utilise sa topographie de manière... Son level design, il est assez bluffant, parce que l'intro, donc on arrive, on a perdu la moto, il faut marcher 5 minutes, on va se retrouver dans une grotte, là on a la présentation de l'univers avec Fragile, etc. Et là, ensuite, tout de suite, on a la première musique qui va se déclencher, une longue descente qui est vraiment très facile, il n'y a pas beaucoup de risques, il y a une petite rivière, mais elle est très gentille comparée à tout ce qu'on va croiser, et on va arriver jusqu'à la première base, et vraiment, dans ces 15-20 premières minutes de jeu, moi j'étais déjà effectivement tombé sous le charme de cette logique, de cette rythmique du jeu qui nous demande, comme tu le dis, d'être tout le temps concentré, mais pas à un niveau d'intensité. Tu vois, c'est pas Dark Souls, c'est pas un combat de Sekiro. C'est pas un Sekiro, c'est pas un shoot'em up ou quoi que ce soit. Il faut être un peu engagé, mais pas trop, et donc ça nous laisse l'esprit libre pour kiffer le paysage, se poser des questions, jouer avec les petites informations qu'on va avoir à droite à gauche et voir tous les petits détails qui vont être glissés dans le gameplay, parce que y a le petit Dradek qui fait des petits gestes, il se transforme en main, etc. Et on va avoir des petits moments de tension qui sont, je trouve, extrêmement bien réalisés, parce que l'infiltration, c'est toi récemment sur Twitter qui disais, Hugo, que ça ressemble beaucoup à MGS5 Death Stranding, et c'est vrai que les passages d'infiltration avec les bêtises où on ne les voit pas, puisqu'il faut se baser uniquement sur la vitesse des pulsations de l'Odradek pour savoir à quelle distance ils sont de nous, je trouvais ça super cool parce que ça donne vraiment une vraie tension, tu vois, tu te sens vraiment fragile par rapport à ces trucs-là, hein, sans mauvais jeu de mots, et donc tu veux simplement réussir à passer au milieu, et une fois que t'es sorti, tu ressens un vrai soulagement parce que tu peux reprendre ta marche normale, arriver jusqu'au point B où tu devais aller. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout un petit rituel quand on se rapproche d'une base. La base, elle fait apparaître elle fait descendre les bits là, qui empêchent les véhicules de rentrer. Il va y avoir une petite voix qui nous salue, il va y avoir des messages d'autres joueurs, il va y avoir la voix qui nous dit « Welcome, Sam Porter Bridges ». Il y a plein de petits gling-gling, de petits messages partout. Enfin, c'est une espèce de petite fête. À chaque fois qu'on arrive au point B, on va pouvoir enfin virer son cargo, le livrer, le PNJ va nous remercier, on va aller se coucher. Et donc, on rentre dans une routine qui est finalement, je trouve, très proche de celle de Sam. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort dans le jeu, c'est qu'il nous permet de vraiment vivre ce que le personnage vit. Il marche, nous aussi, on est avec lui, on est en permanence en train de gérer notre équilibre et tout ça. Et à la fin, on se repose enfin, on peut souffler et se préparer à repartir vers une autre mission. Et donc, cette routine-là, effectivement, le côté, quand tu disais méditatif, je trouve que ça marche bien parce que moi, je disais que c'était un jeu qui était vraiment très chill, etc. Et cette idée de méditation fonctionne vraiment très très bien, ouais, dans l'illustration du truc. Mais paradoxalement, autour de cette idée, mais autour de cette idée de concentration autour de la marche, il y a quand même plein de trucs autour. Il y a vraiment pas que la marche en fait qui est dans le jeu. Il y a toutes les constructions qu'on va apprendre à faire, tous les véhicules. Il y a l'usure des chaussures avec leur qualité. Il y a la jauge d'énergie qu'on a avec le fait de pouvoir boire du Monster. On va pouvoir faire pipi aussi. Il y a toutes les mécaniques avec Bibi qu'il va falloir bercer, qu'on peut enlever, toutes ces avec les BTs, les scanner. Il y a différents types d'exosquelettes qui vont faire différentes choses. Il y a les armes létales, non létales, il y a les grenades, à la sueur, au pipi, au caca. Ouais, j'en ai noté, parce que je me disais 2-3, ça va pas être assez pour bien faire comprendre tout ce qu'il y a. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as assimilé tout ça ou que t'as passé un certain nombre d'heures de jeu, là tu vas pouvoir te focus sur la marche. Mais il y a quand même toute cette charge un peu mentale vraiment à prendre en compte. Comme moi, déjà de base, j'accrochais pas à la marche. Et ben moi le fait de revenir au bunker c'était vraiment ah putain je vais me retaper une mécanique à apprendre, on va me reparler et tout, donc c'est vrai que moi c'était pas méditatif, moi ma routine était plus Mais pénible. ça, c'est important de le souligner parce que c'est vrai que au-delà de cette idée que le cœur du jeu, c'est vraiment cette idée de marche, etc. À côté de ça, par contre, c'est vrai qu'il rajoute très vite et tout du long, hein, parce qu'on le disait, c'est quasiment jusqu'à la fin du jeu, il continue de rajouter des strates de gameplay pour continuer de nous récompenser, de progresser, puisque du coup, petit à petit, on va avoir le droit à des véhicules, on va avoir le droit de poser des bâtiments pour nous aider, soit à détecter de plus loin la topographie et du coup de planifier complètement ces trucs. On va pouvoir plus tard construire des routes, en plus en se faisant aider par d'autres joueurs, on va pouvoir construire les fameuses tyroliennes qui sont la meilleure idée de l'univers, mais on va pouvoir en fait débloquer des tonnes de choses, on a les armes, etc. Et en fait, cette complexification du gameplay, ça peut être vraiment, je peux tout à fait comprendre que ça soit rédhibitoire pour pas mal de monde, parce que ça s'appuie sur une mécanique de base qui est tellement atypique dans un jeu vidéo que de se retrouver à la fin avec finalement des scènes d'action qui sont proches de ce qu'on pourrait attendre dans n'importe quel jeu AAA classique, ça paraît être complètement improbable. La fin de Death Stranding, on est avec des lance-roquettes en train de tirer sur des baleines qui volent dans le ciel. Donc on est parti d'un petit bonhomme qui se baladait avec son colis de Deliveroo sur le dos. Donc c'est vrai qu'il y a une progression et il y a cette proposition qui est très étrange. Mais par contre, pour peu qu'on accroche, alors là, moi je trouve que justement, il arrive à tout le temps nous rajouter une incentive, tu vois, il nous donne tout le temps envie de continuer de progresser, pour peu évidemment, ça c'est la condition sine qua non, qu'on ait accroché dès le départ à cette mécanique. Après, ça c'est une vision assez kojimesque un peu du jeu vidéo. Moi, c'est pas vraiment une vision à laquelle je souscris, mais c'est un truc qui fait assez souvent. Après, j'ai fait que Metal Gear Solid 1, mais je connais un peu le 5 vite fait, ce qu'il fait. C'est de mettre plein de mécaniques, plein d'objets, certains dont tu vas te servir qu'une fois, ou certains dont tu n'as peut-être même pas à te servir du tout, mais c'est là si jamais tu veux le faire. Donc il invite les joueurs à expérimenter, à tester des situations, ou parfois te présenter qu'une ou deux situations dans lesquelles c'est pertinent. Et c'est vrai que dans Death Stranding, il continue de le faire, malgré le fait que ce soit un jeu centré autour de la marche. Ça, c'est sa vision du truc. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. C'est quelqu'un effectivement qu'un game design qui vit par la complexité. C'est-à-dire, c'est vraiment, je mets plein, plein, plein, plein, plein de petits éléments qui vont rajouter des micro subtilités. Tu l'as dit, vraiment, il y a énormément d'équipements. Ça, c'était déjà le cas dans Metal Gear Solid. Tu vois, tu prends le 3, c'est un jeu, tu peux finir avec juste le péteux, avec le silencieux, et tu peux faire le jeu comme ça, c'est possible. C'est juste qu'en fait, il te met des couches et des couches et des couches de choses avec lesquelles tu vas avoir envie ou non d'expérimenter. Tu vois, les grenades, pipi, machin, en fait, elles font plein de trucs. Enfin, moi, quand j'ai découvert, après avoir fini le jeu, que tu pouvais faire glisser les mules avec les grenades au pipi. Pour moi, c'est tellement Kojima comme truc. Et à la fois, c'est une blague pipi caca, donc c'est la base. Mais par contre, le problème, c'est que la blague pipi caca, elle a une idée en termes de gameplay, ça sert à quelque chose, ça crée une mécanique de jeu qui peut être intéressante en tant que telle. Et c'est ça en fait, t'as plein de choses avec lesquelles tu peux expérimenter. Enfin, tu vois, le fait de faire pipi aussi, tu peux faire pipi sur les BTs et ça les repousse, tu vois, quand ils t'attaquent, tu vois. C'est possible aussi de faire ça. Parce C'est que dans vrai? les règles du jeu, oui, Je savais pas du tout. dans les règles du jeu, il s'est dit, voilà, en fait, Sam, lui, il est anti-BTs, donc tout ce qui est ces fluides corporels, ça les tue. Donc si tu décides de pisser comme ça sur un BTs au loin, ça va le repousser, tu vois. C'est ridicule. Et c'est ça en fait qui est fou, c'est qu'il a ce côté à la fois systémique dans son univers. Il s'est dit, j'ai inventé toutes mes règles de jeu et maintenant je vais jouer avec et je vous laisse faire plein de petites bidouilles, les exosquelettes, les machins, ça va t'augmenter un petit peu. Maintenant t'as des griffes pour pouvoir grimper plus facilement. Et puis tu sais, même les transporteurs, tu vois, l'idée que tu puisses transporter des marchandises, ça c'est game designer niveau 1, mais game designer niveau Kojima, et tu pourras faire du skate dessus quand il n'y aura rien dessus, et ce sera vachement rigolo. Parce que ça sert à rien, mais c'est comme ça qu'il fait son game design en fait. Parce qu'il sait que tu vas y passer 30 heures dans le truc, donc il faut que tu t'amuses, que tu fasses des petites bidouilles, que tu essaies des choses, et c'est comme ça lui qui justifie un peu, c'est un peu son idée du fun en fait, je pense tout simplement, de te donner plein de petits outils comme ça, de petits trucs qui peuvent être très anecdotiques en fait. C'est-à-dire que c'est pas un game design qui est pensé avec vraiment telle et telle mécanique, bim, ça fonctionne tout ensemble et c'est nickel à la From Software, tu vois. Mais c'est un game design qui part un peu dans tous les sens et qui pourtant, je trouve, arrive à rester cohérent parce que à la fois ça tient dans l'univers, tout est justifié, et bah, c'est du game design de Kojima en fait. C'est son jeu vidéo à lui. Et ces petits trucs qui paraissent un peu cons, tu vois, pisser sur les BTs ou voilà, faire glisser ou faire du skate comme tu disais sur les colis, bah, en fait ça colle aussi pas mal avec le ton qu'il a dans les jeux, dans certains dialogues, où, typiquement les interactions avec Hartman, bah, parfois le mec il regarde la caméra, il lève son pouce et ça fait un petit pouce flottant dans les airs, c'est complètement décalé, mais voilà, moi je trouve que ça marche, ça passe ou ça casse, hein, mais c'est des petites ruptures de ton qui fait dans la forme, dans ces dialogues, dans la narration, mais aussi du coup en jeu, tu vois, comme tu voilà les exemples qu'on vient de citer, je trouve que ça colle pas mal à ça. Mais du coup c'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé là, dans le scénario, mais c'est l'occasion de noter quelques scènes. T'as la scène par contre où il court sur la plage avec Amélie, elle est très bizarre, ouais. C'est une grosse rupture aussi, celle-là je considère qu'elle est ratée, mais non, ouais, c'est une rupture un peu au même titre que d'autres trucs que t'as pu voir et auxquels j'ai plutôt souscrit, tu vois, le moment où Sam il prend le lecteur vinyle de Hartman et il fait une espèce de scratch de DJ. C'est très bizarre, mais voilà, ça passe ou ça casse. Ou les fameux moments quand on est dans le bunker, bah Sam il va regarder la caméra, faire des clins d'œil, il peut se regarder dans la glace et faire des, grimaces. Il a ses petites figurines qu'il va montrer à la caméra. C'est voilà, encore je me répète, hein, mais c'est étrange, c'est un peu bizarre, mais voilà, on y souscrit ou pas, et du coup ces petits décalages de gameplay, je trouve qu'ils vont avec ces petits décalages de ton. Ouais, bah tu vois, tu parlais de coup de cœur de Kojima, moi c'est vrai que bah voilà, cette année j'ai découvert un peu tous ces jeux, et en fait c'est un game designer qui a tout le temps envie de te parler. Alors parfois il te met des gros coups dans le beat pour dire hey, regarde c'est rigolo, il fait pipi, mais en fait c'est des jeux qui communiquent tout le temps avec toi, et à la fois par des cinématiques, enfin vraiment la scène de la douche avec Hartman, tu sens que il a juste envie que tu te bidonnes avec lui parce que c'est complètement absurde comme situation avec Deadman, ouais. Et c'est pareil en fait avec les grenades, les machins, les trucs, il a juste envie de te dire hey, t'as vu cette petite interaction, j'y ai pensé, t'y avais pas pensé, t'as vu, c'est rigolo. Et en fait c'est comme ça souvent, j'ai l'impression. C'est vrai que ça résume bien le hey, t'as vu, je pense que c'est un peu ça, parce que ouais, du coup ça résume complètement, tu vois, son approche de la narration, son approche des blagues, le fait que bah, les personnages ils s'appellent Sam, Porter, Bridges, et donc ils travaillent pour une compagnie qui s'appelle Bridges et son métier c'est d'être un porteur, et t'es là genre ouais, ok. J'ai un rapport qui est très paradoxal avec ce jeu, parce qu'à la fois, je trouve que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de presque toute ma vie, parce que je trouve ça absolument brillant, la gestion de la marche, et en même temps, je pense que c'est un des pires jeux auxquels j'ai joué, parce que je crois que j'ai jamais... Enfin, bon, il y a Détroit, donc voilà. Mais ça fait partie des jeux, je trouve, les plus mal écrits auxquels j'ai joué, parce que c'est vraiment ridicule, par moments, la scène de Deadman qui rentre dans la douche avec Sam pour pouvoir lui parler de très très proche et pouvoir lui dire des petits secrets. T'es là, mais... Ensuite, quand il t'explique pendant 5 minutes comment son caca est liquéfié et transformé pour fabriquer des grenades, enfin... En fait, l'accumulation de tout ça, moi, ça fonctionne pas. C'est vrai que j'adhère pas du tout à cette espèce de second degré très basique, et je trouve ça fou parce que à côté de ça, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des idées absolument brillantes en termes de design, et à la fois il y a tous ces petits détails, mais aussi il y a tout un tas de petites interactions, tu vois, dans le jeu qui sont très cool. Moi, typiquement, quand t'es en train de secouer bébé parce qu'il a eu peur, parce que t'es tombé dans l'eau, et donc il faut le prendre, il faut le regarder, il faut le secouer, t'as le petit Dradek qui se transforme instantanément en mobile et qui joue une petite berceuse. Quand tu sors de la zone des BTs, il fait un pouce pour te dire ça y est, c'est bon. Ouais, c'est génial. C'est un jeu qui a un sens du détail et des petits trucs qui n'ont absolument rien à foutre là, mais qui y sont, et j'ai l'impression que ça fait partie de cette espèce de marque de fabrique, tu vois, Kojima, tous ces petits détails-là, toutes ces petites interactions qui sont finalement pas forcément utiles au gameplay, mais si elles n'étaient pas là, on sentirait leur absence, tu vois. Ouais, aussi, un des trucs, moi, qui m'avait vraiment marqué, que j'avais beaucoup aimé, bah, t'en parlais, c'est les tyroliennes. Pourquoi c'est la meilleure idée? Je trouve que, encore une fois, ça fait partie de ces idées où tu te dis, bon, c'est un peu débile, ça va être rigolo de faire des tyroliennes. Mais en fait, je trouve que c'est une nouvelle façon de s'approprier le territoire dans ce jeu qui est vraiment super intéressante parce que pour aller pouvoir profiter de ta tyrolienne, bah, faut que tu construises toi-même ton réseau. Et du coup, bah, avant, tu devais observer le terrain à un niveau très micro, en fait, c'est-à-dire que tu regardes la petite crevasse, le petit rocher. Et là, en fait, tu dois beaucoup plus te projeter, prendre vraiment beaucoup plus d'altitude pour te dire bah je vais la placer ici, je vais en placer une là parce que je sais que c'est 300 mètres la limite et que j'ai pas droit dans que je vais essayer de tirer d'étirer au mieux mon réseau pour vraiment me faciliter la vie pour faire tous mes trucs. Et c'est vraiment à la fois une super récompense parce que une fois que tu as tissé ton réseau, bah tu vas trop vite et c'est trop cool, mais pour construire ce réseau, bah va falloir que tu te fasses chier justement à aller monter toi-même sur le petit pic en haut de la colline. Et c'est vrai que les tyroliennes, bah je trouve que c'est encore une fois le jeu, on est à la moitié du jeu, le jeu trouve encore une belle idée pour te dire, bah voilà, t'as vu, je vais te donner une nouvelle boucle en fait, via la marche, qui va te récompenser et te faire vivre le truc différemment. Et en fait, c'est tout le temps comme ça, c'est comme les motos, tu vois. Bon, on n'est pas tout à fait. C'est vrai que le feeling des véhicules est peut-être pas optimal, hein. Je pense qu'il est pas autant travaillé que la marche. C'est un euphémisme, effectivement. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, bah, quand tu peux retraverser à fond de balle, tu vois, des zones sur lesquelles tu as galéré à marcher et que tu es en moto, tu vois, tu fais des grosses roues arrière, je fais des Willy, Willy, Willy, avec toutes tes cases derrière, bah t'es trop content en fait. Et je trouve que le jeu sait très très bien en fait que ça te récompense, que ça va te faire kiffer, et il te laisse kiffer. Et après il te dira bah tu te feras chier la prochaine fois pour aller poser ta nouvelle autoroute ou ta nouvelle tyrolienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacune des récompenses, elle est vraiment récompensante en termes d'efficacité et de gameplay et de feeling. Ouais, il y a une boucle en fait, ce que j'adore dans ce jeu et que j'ai ressenti effectivement, alors pas avec les tyroliennes, je sais plus à quel moment j'ai commencé à m'en rendre compte, c'était peut-être avec les histoire de route justement ou les véhicules, c'est que tu sais que tu dois aller du point A au point B et que ça va être chiant, mais revenir du point B au point A, ça sera fun. Ça, c'est un peu la promesse du jeu, c'est-à-dire que quand tu vas à un endroit, si tu dois revenir plus tard et que tu as eu simplement la bonne idée de créer ta tyrolienne et d'en mettre une tous les 400 ou 500 mètres, tu sais que ton retour va être drôle et va être quasi instantané, et après ça va devenir vraiment vraiment des barres de rire. Donc en gros, il y a en tout trois maps, si je dis pas de bêtises. La deuxième map, c'est vraiment la grosse map où tu as les montagnes, les machins, et moi je me suis évidemment poser la question de est-ce qu'on peut traverser les montagnes, est-ce qu'on peut mettre en haut du col une tyrolienne et ensuite nous faire repasser de l'autre côté. Et quand tu te rends compte que tu peux faire ça et que tu peux vraiment créer tout un réseau de tyroliennes, voire même en plus t'aider, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore du gameplay ouais, asymétrique, tout ça à sera fait, peut-être c'est l'occasion de bon le de le faire. faire. Ouais. On peut s'aider de certaines constructions qui sont déjà là grâce à d'autres joueurs et joueuses qui ont construit ça. On peut se créer un réseau génial. Et moi, je m'étais amusé à traverser des kilomètres et des kilomètres. Normalement, ça prendrait plusieurs heures de jeu pour marcher. Et là, en quelques secondes, j'exagère, mais en quelques minutes, tu peux t'amuser à retraverser le tout et te retrouver d'un côté là où il y a Fragile, de l'autre côté là où il y a Hartmann, alors que les deux sont séparés par 30 heures de jeu normalement, tu vois. Et ça, c'était vraiment un grand moment de jeu. Moi, je me souviens que j'ai passé une journée complète à juste m'amuser à faire ça. Bon, j'étais en stream, donc ça faisait marrer les gens aussi de me voir construire mes tyroliennes, mais de me dire jusqu'où je peux aller avec ce système-là. Et ce qui est très agréable, je trouve, dans son approche du game design à Kojima, c'est de se dire si toi tu y as pensé, il y a pensé et probablement plus que toi, donc tu peux y aller. Tu peux explorer le truc à fond, tu peux expérimenter jusqu'où tu as envie, il y aura probablement quelque chose qui va se passer, et je trouve que c'est très rassurant. Tu vois, c'est très agréable de se dire, je vais essayer quelque chose, le designer y a pensé, et je vais m'amuser avec ça. Et puis, bah, on peut revenir effectivement sur ce multijoueur un petit peu passif comme ça que le jeu met en place. Alors, on peut citer Dark Souls, voilà, c'est fait, ça y est, ils sont cités, ils sont là. Mais c'est vrai que, alors, on n'est pas sûr hein, de vraiment maîtriser un peu les arcanes de ce système parce que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de likes, de choses comme ça. Quelles sont les structures qui interviennent, à quel point on est connecté avec une masse d'autres joueurs, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, même si je crois que dans un menu, on peut regarder un petit peu justement avec qui on se connecte. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut profiter des constructions des autres joueurs ou soi-même tenter de placer des constructions qui vont pouvoir être utilisées et récompensées avec le fameux système de like du jeu. Moi, il y a deux choses que j'ai trouvées très intéressantes. Déjà, c'est qu'encore une fois, tant que tu n'as pas relié une zone au réseau, bah, tu n'as pas les constructions. Donc ça veut dire que la première fois que tu traverses une zone, tu seras quand même toujours tout seul, tu ne pourras pas profiter de ce que les autres ont construit, et une fois que tu auras atteint ce fameux point B, dont tu parlais, bah là tu pourras profiter, tu pourras voir ce que les autres joueurs ont construit, et donc ton retour ou tes petites missions annexes que tu vas faire dans cette même zone, elles seront plus simples. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça c'est Kojima, ils ont vraiment, c'est très, très intentionnel de leur part, c'est de ne faire un système qui n'incite qu'à la positivité, puisqu'il n'y a, y a pas de dislike, hein, il n'y a que des likes, et en fait toutes les interactions que tu peux avoir avec les autres joueurs et joueuses de Death Stranding, elles sont toujours positives, c'est toujours des choses qui vont t'aider, qui vont te faciliter la vie, ou même tu sais, il y a tout un système de petits marqueurs qu'on peut poser au sol, c'est des petits symboles, alors ça va être la tête de Bibi, ça va être un mec qui a les bras musclés pour recharger ton endurance, ça va être le fameux keep on keeping on, enfin toutes ces choses là que tu vas pouvoir déposer à n'importe quel endroit du jeu pourvu qu'il soit connecté au réseau, et à chaque fois que tu rentres dans un de ces marqueurs posés par un autre joueur joueuse, bah tu vas pouvoir profiter de ce petit bonus ou même d'un petit feedback sonore qui est sympa. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment chouette pour un jeu qui parle de connexion, et on terminera d'ailleurs peut-être un petit peu sur les thématiques du jeu, de voir que Kojima, il s'est dit, bah, c'est vrai qu'Internet, c'est vraiment cool, on peut échanger plein de choses, mais par contre, ça crée parfois bah, des choses qui peuvent être assez toxiques. Bah, moi, dans mon jeu, je veux bannir absolument tout ça. Et je parlais de Dark Souls, c'est vrai que Dark Souls, on en parlait pendant la préparation, on disait qu'il y avait beaucoup de trolls qui étaient arrivés. D'ailleurs, je crois que tu le tweetais même aujourd'hui, Benoît, tu parlais de ça, de ces fameux trolls qui étaient arrivés avec Dark Souls, des gens qui disent « faut sauter ici, c'est vraiment un bon plan », alors qu'en fait, tu meurs. Et ça, dans Death Stranding, bah, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas permis, le jeu ne donne pas les outils comme ça. Alors, peut-être qu'il y aurait moyen de détourner les choses pour vraiment faire chier, mais c'est pas l'esprit du jeu, et c'est vrai que c'est, y a que de la positivité, en fait, qui vient de ce gameplay, de ce multijoueur passif. Ouais, on rappelle que c'est les mécaniques que tu laisses aux joueurs et aux joueuses vont déterminer un petit peu les rapports qu'ils ont entre eux. C'est l'occasion de rappeler, on en avait parlé avec Journey. Au début, il y avait cette mécanique, je crois que c'était de pousser ou peut-être de soulever ton allié. Et l'idée, c'était de résoudre certains puzzles avec ça. Et en fait, ils se rendaient compte que les gens se poussaient dans le vide ou se poussaient dans des cactus ou quoi. Et en fait, ils ont décidé de ne pas laisser ce genre d'interaction possible pour ne laisser la place justement qu'à des choses qui sont bonnes ou neutres. Et là, c'est pareil avec Death Stranding où, comme tu le dis, tu ne peux pas mettre des dislikes. Et ça va avec ces thématiques du jeu, on l'a déjà dit, il y a tout ce qui est autour de la connexion, du lien entre les gens versus la solitude. On incarne Sam qui va reconnecter l'Amérique, c'est pénible pour lui, c'est pénible pour nous, parce qu'on va devoir marcher, vraiment aller jusqu'au bout, subir toutes les intempéries, se taper tout le voyage. Et ça, c'est quelque chose qui a été inspiré en partie par le climat politique, hein, Kojima s'en cache pas, il cite les élections américaine avec Trump ou le Brexit, où sans prendre parti, il dit que voilà, son constat, c'est qu'il y a une division, il y a des pays qui sont divisés, il y a des populations effectivement qui prennent des décisions assez radicales par rapport à ce que voudrait une autre partie qui est quasiment le même nom, hein, c'est division ultime. Il y a une fracture, quoi, c'est ça, ouais. La société est assez fracturée, enfin, je pense qu'on peut même l'observer aujourd'hui, nous en France, quand on voit ce qui se passe actuellement, clairement, il y a un peu de fracture quand même dans la société. Et en plus, pour le contexte, ces élections américaines, c'est cette nuit, là, donc en plus... Oui, c'est exactement... Au moment où vous saurez, que, enfin, ouais. On saura, disons qu'on aura l'évolution des élections, parce que ça risque d'être... je suis pas sûr que ça soit aussi simple que il ou elle... il a gagné ou il a perdu. Mais ouais, moi je voulais juste revenir un instant sur la partie multijoueur. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'était l'idée de... Donc il y a la connexion, mais il y a l'idée également d'entraide. Et ce que je trouve cool, c'est de me dire que ce que je construisais, j'avais la certitude que ça allait aider quelqu'un d'autre. Et ça, je trouvais que c'était une très belle chose à mettre en avant dans un jeu, de me dire, ben, j'ai construit cette tyrolienne à cet endroit-là, parce qu'il y a vraiment un passage, je me souviens typiquement d'un endroit avec des cascades et tout, qui est très compliqué. Je m'étais amusé à construire des tyroliennes et je me suis dit, des gens vont l'utiliser. Et quand je revenais plus tard, je voyais que le nombre de likes avait monté en flèche, parce que je voyais que d'autres gens venaient de l'utiliser. C'était peut-être quelques 10, 15, 20 minutes après que je l'ai construit. Et donc, d'avoir un retour aussi instantané et aussi... tu vois, c'est sûr, c'est garanti. C'est-à-dire que je sais que, comme je suis connecté avec d'autres gens, ce que je vais construire, ça va forcément les dépanner. Et ils sont contents et ils vont me remercier. C'est tout bête. Tu vois, j'avais une espèce de relation complètement... je ne sais pas qui sont ces gens, parce que je ne me suis pas amusé dans les menus pour savoir leur nom PlayStation. Mais... je savais que j'avais aidé quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est très cool parce que ça colle effectivement très bien à cette thématique globale de connexion de Death Stranding. Et ce que je trouve fou, c'est que ce jeu, sous ses strates de gameplay, ses surcouches de dialogue imbitables, etc., en fait, il a des idées très simple, très bienveillante, très universaliste à base de « faut être gentil, faut aider ses voisins, faut être sympa avec les gens, être méchant, c'est pas bien ». Enfin, vous voyez, c'est vraiment des choses très naïves qu'on pourrait croire tomber d'un dessin animé Disney, mais qui sont communiquées à travers ce gameplay-là et d'une manière qui est assez brillante, en fait. Moi, ce qui m'a touché, c'est vrai que c'est cette idée de construire des ponts, tu vois, le fameux bridges, tu vois, c'est vrai que c'est toujours assez simple comme ça, mais je trouve que le jeu montre en fait qu'est-ce que c'est de construire un pont, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est long en fait, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose que tu dois éprouver, que tu dois construire brique après brique, c'est dur de construire un pont, je sais même pas construire un pont en vrai, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, et je trouve qu'il y a une certaine beauté en fait dans le fait de te dire, bah, en fait, ça va te prendre du temps et du travail et de l'effort de te relier aux gens. Parce que justement, l'idée, oui, il faut se lier aux gens, c'est important, c'est ça qui est bien, ça, c'est la première idée. Mais le jeu te fait ressentir le travail et l'effort qui est nécessaire pour se lier aux gens, parce que c'est difficile aussi de se lier aux gens. En vrai, c'est pas facile, faut aller vers l'autre, faut essayer d'échanger, de se comprendre malgré toutes les choses qui peuvent nous séparer. Et je trouve que le jeu, par son gameplay, arrive à l'incarner, à le métaphoriser, à le métaludifier, on va dire. Et je trouve qu'on part dans l'intellectualisme là, pur. J'ai pas mes lunettes, mais elles seraient très bien. Mais c'est vrai qu'il arrive à transmettre ça via son gameplay. Et ça, c'est quelque chose, moi... Encore une fois, c'est pas forcément cimenté dans le texte du jeu, hein, c'est pas quelque chose qui va te dire comme ça concrètement, mais moi c'est quelque chose que j'ai assez facilement arrivé à projeter dans ce gameplay, dans cette espèce de routine, et c'est quelque chose ouais, qui m'a touché, que j'ai trouvé très, bah, très intelligente en fait de créer cette mécanique autour de ça. Ouais, en fait c'est un jeu qui réussit à connecter les gens, alors c'est effectivement l'idée centrale, hein, moi ça m'avait saoulé à tel point c'est violent, parce que le mec s'appelle Sam Porter Bridges, il a des marques de mains sur le sol. Les quand tu tues des bêtises, il y a des petites mains qui râlent, qui apparaissent au sol. Enfin, les thèmes du jeu, ils sont partout. C'est-à-dire qu'il y a une avalanche de métaphores, d'images, de symboles qui sont tout sauf subtils. Tu vois, je prenais l'exemple de l'appartement de Hartman, où comme il ne peut vivre que pendant quelques minutes, et ben du coup, il n'a que des livres qui sont très courts, il a des films qui sont très courts, il a des musiques qui sont très courtes. Bref, t'étais là. C'est bon, j'avais compris. La millième fois, c'est méga chiant. Mais ça, on l'a déjà dit. Mais en fait... Derrière tout ça, ben, y a ces thématiques qui sont tellement bien incarnées par le gameplay et que tu ressens, toi, une fois que tu prends la manette et que tu commences à jouer, à condition, on l'a dit, que tu accroches à la proposition de base, que tu, à la fin, tu peux que te dire « Ah oui, mais en fait, j'ai aidé d'autres gens, tu vois. Alors, on en avait parlé un peu dans Nier Automata, parce que je trouvais qu'il y avait des parallèles qu'on pourrait faire avec la fin de Nier, mais je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas l'objectif. Écoutez notre épisode consacré à Nier Automata. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans des jeux vidéo aujourd'hui, et encore moins, je trouve, dans des jeux vidéo avec des ambitions de AAA. Là-dessus, je trouve que vraiment, Death Stranding, il se pose comme nous, on avait dit un ovni, tu vois, pendant la préparation, parce qu'il arrive avec un gros budget de AAA, des gros acteurs, des grosses actrices, des grands noms du cinéma hollywoodien, etc. Et il arrive à nous transmettre, à travers des mécaniques de jeu, une idée simple comme... Faites un effort, essayez de vous reconnecter, ne laissez pas la division gagner, il faut qu'on sauve l'humanité, etc. C'est des messages qui, comme je l'ai déjà dit, voilà, sont assez naïfs, assez candides, mais qui, je trouve, ont un sens, pas a fortiori dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où on est confiné chez nous, etc., qui ont une résonance avec ce qu'on vit au quotidien qui est vraiment incroyable. Je fais le petit rabat-joie, je vais le faire en deux. Vas-y, rabat, voilà, rabat. Ce sera en deux parties. donc je vais commencer en disant que cet aspect multijoueur, tu peux passer à côté. Déjà, si tout simplement, hein, si t'es pas connecté, ou peut-être, ça je ne sais pas, si t'y joues très longtemps après la sortie du jeu, tu vas pas profiter de ça. Et encore, tu peux en profiter, mais de manière assez superficielle, c'est-à-dire tomber peut-être sur quelques échelles, quelques cordes. Bon, voilà, disons qu'en dehors de ces sessions multijoueurs, la connexion, tu la sens pas forcément. Comme j'avais déjà dit, l'histoire essaie de te faire comprendre ça avec son cast de personnages qui deviennent les amis de Sam, qui vont le retrouver et tout. Voilà, j'ai pas trouvé cette accroche réussie, j'ai pas trouvé ce sentiment réussi, en tout cas sur le plan scénaristique. C'est vrai que la partie multijoueur est plutôt réussie, mais elle est quand même très en retrait, hein. C'est pas la majeure partie du jeu, mais on le ressent, effectivement, c'est une bonne idée, mais c'est pas la majorité de l'expérience. Et il y a une autre thématique, moi, que je trouve par contre très mal exploitée par le jeu, c'est un petit peu violence versus plus non-violence. On a ce choix des armes létales, non létales, on te fait comprendre que si tu tues quelqu'un, ça crée un void out, et à moins de le laisser faire, il faudra que tu ailles incinérer le corps. Ça, il faudra le faire avec le corps des mules, hein, par exemple. Ou sinon, ça, cette fameuse scène dont tu parlais avec Amélie, où à un moment, t'as un flingue sorti sur elle, et si tu lui tires dessus, en fait, ça ne fait rien. Il faut que tu comprennes qu'il faut rengainer l'arme et lui faire un câlin. Et je trouve ça très mal raconté, en fait, je trouve ça vraiment très mal foutu, puisque c'est une obligation, il y a aucun dilemme, c'est un puzzle, en fait. C'est pas un dilemme, c'est un puzzle. Le jeu te dit, non, tu ne peux pas la tuer, trouve le moyen, et qu'il faut lui faire un câlin, mais c'est pas une envie, c'est pas un choix où tu dis, je trouve ça objectivement meilleur, donc je vais le faire. Non, t'es obligé de le faire, et comme avec le coup des armes létales, non létales, bah t'as des armes qui tirent des balles qui vont tuer, ou qui tirent des balles en caoutchouc, et ce sera moins chiant, parce que ça causera pas de void out ou quoi. Bah, encore une fois, t'as aucun dilemme, tu vas juste prendre les balles en caoutchouc, c'est comme certains jeux où tu vas avoir les flèches tranquillisantes ou les flèches létales. Bon, concrètement, c'est pas une révolution par le gameplay, tu vois, y a pas vraiment de questions ou de choix qui sont vraiment posés. Ouais, c'est pas un jeu en fait qui nous laisse les choix. C'est vrai que là-dessus, il s'éloigne encore plus du coup du modèle AAA classique où effectivement, depuis pas mal d'années, le truc central c'est les multiples fins, les choix, c'est les joueurs et les joueuses qui choisissent un petit peu leur propre histoire. Là, c'est vraiment Kojima, il veut nous raconter un truc, il veut nous faire vivre un truc, il va nous le faire vivre. Et donc en fait, dès qu'on va s'éloigner de ce truc-là, il va nous rappeler à l'ordre en nous disant bah non, mais ça, bah si tu tues des gens, t'as pas compris en fait. Tu te souviens pas quand je t'ai appliqué 25 fois d'affilée que si tu tues quelqu'un, ça allait exploser. Et donc, mais il te laisse quand même la possibilité de le faire. Alors pourquoi, je ne sais pas. J'imagine que c'est pour s'assurer qu'on ait bien compris l'univers, mais ouais, c'est pas un jeu qui nous laisse le choix, et ça peut être difficile à accepter, je pense, parce qu'on est justement un peu habitué ces dernières années avec des jeux qui nous disent bon bah à la fin tu fais soit la fin A soit la fin B. Là c'est un jeu qui veut nous amener à prendre conscience que on doit se reconnecter et que Sam il doit réussir sa mission, et il va tout faire pour nous amener par là, quitte à nous forcer la main en nous donnant l'illusion du choix. Ouais, tout à fait, mais je pense que c'est vrai que cette scène, moi tu vois, je m'en souvenais même plus, cette histoire de sortir le flingue, de devoir le ranger, ça m'était complètement sorti de l'esprit, parce qu'effectivement je pense que ça tombe complètement à l'eau, parce que le système ne permet pas un choix intéressant, comme tu le dis, c'est une fin unique, il faut trouver la bonne solution qui est de ranger ton arme et d'aller faire le câlin, et c'est pas forcément quelque chose que tu devines, et ça marche, ouais, ça marche pas très bien. Pour l'anecdote, comme j'ai dit, moi j'avais pas fini le jeu, donc j'ai regardé sur YouTube, là, pour l'épisode, j'ai regardé un let's play, le streamer il voulait lui foutre une patate à la base quand même, il a compris que ça servait à rien de lui tirer dessus, il a rengainé l'arme, il a dit bon je vais essayer de la taper pour voir ce que ça donne, et en fait ça a déclenché le câlin, il a fait ah bah d'accord, ça a fait un câlin, donc tu vois ça montre quand même que c'est complètement raté, mais, quoi. Mais je pense, tu vois, qu'il a voulu jouer sur les codes, tu vois, vraiment du jeu vidéo, qui moi ça me faisait penser un peu à la fin de The Last of Us, que je vais pas spoiler ici, mais voilà, ce rapport au fait d'être forcé de tirer, tu vois, il y a quelque chose qui se passait là-dessus, et je pense encore une fois c'est Kojima qui a envie de s'amuser avec des codes, c'est un truc un peu référencé de dire hey, cette fois-ci je vais pas te faire tirer sur la personne, je vais te faire ranger ton arme, et voilà, il y a des fois où ça tombe un peu à l'eau, mais le message derrière est toujours finalement celui qui tisse tout au long du jeu, qui te dit bah voilà, range tes armes et tout, mais c'est vrai qu'il arrive pas toujours à être convaincant en fait par le gameplay avec ça, et je pense que ça le renvoie aussi à tout ce que ça a toujours été Metal Gear Solid, c'est-à-dire cette espèce d'ambivalence de te dire ouais c'est anti-militaire, mais en fait c'est un mec qui kiffe trop les guns et compagnie, tu vois. Alors moi je le place toujours comme moi en fait en tant que joueur, c'est-à-dire que oui j'adore les guns virtuels mais j'aime pas les réels en fait, je suis pas quelqu'un qui aimerait tenir une arme entre les mains, par contre ça m'éclate de le faire dans un jeu vidéo parce que c'est rigolo, parce que c'est fun et que c'est de la fiction. Et je pense peut-être qu'il a un peu cette même fascination vis-à-vis des armes et compagnie. Mais voilà, si tu essaies de le prendre stricto sensu, c'est pas un jeu qui te donne un système et qui va te dire non, tu vois, les armes, c'est pas bien, et qui va te faire réfléchir autour de ça en te disant que c'est pas utile. Non, parce que tu peux utiliser les armes. C'est comme les faces sur les BT, tu vois, tu peux carrément les bourriner. Ouais. Je les trouve pas du tout intéressantes comme ça, parce que ça devient du Gears of War pas cher et c'est pas très intéressant, alors que le truc colle à maillard, bah c'est cool, tu vois. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. Mais... à la fin, c'était vraiment une fois que j'avais ma mitraillette avec mes balles sanguines, c'était la fête. Hein. C'était vraiment genre pou, pou, pou, pou, pou, je détruisais tout le monde et je courais au milieu des BT. 10 parce que c'était rigolo, quoi. Donc on a vraiment chacun un peu notre approche là-dessus. Ce que je trouve intéressant à noter, c'est que tu vois, dans un tas de jeux, c'est pas des choses, c'est pas des détails qu'on noterait comme étant gênants. C'est que comme ce jeu, il a cette fâcheuse tendance à vouloir tout nous expliquer, à vouloir tout justifier par du bullshit pseudo-scientifique et essayer de donner une raison d'être à la moindre notion, au moindre concept, au moindre mot qu'ils vont intégrer dans leur jeu, et ben du coup, quand il le fait pas ou qu'il le fait de manière maladroite, en fait, on le repère instantanément. Tu vois, quand il y a un truc qui déconne dans son jeu, on le repère instantanément. Et je pense que c'est pour ça, tu vois, que ça a pu gêner Max sur certains passages en disant, ben ouais, mais là ça colle pas, donc pourquoi vous nous essayez de justifier un truc alors qu'en fait, vous auriez peut-être une règle de gameplay qui pourrait fonctionner dans ce cas-là précis, quoi. Mais encore une fois, voilà, jeu qui a été fini en 3 ans, 3 ans et demi, tu vois, qui est bourré de détails. Moi, pour moi, c'est un jeu qui est profondément imparfait, tu vois, et aussi pour ces raisons, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs sur les armes et les combats. Moi, j'aurais bien aimé justement que le jeu ne nous laisse pas le choix d'aller à la violence, en fait, se construise, vraiment sur que des mécaniques de jeu. Je pense même, tu vois, que les phases de boss, les espèces de fuites, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais tu vois, quand tu te bats contre les espèces de grands boss échoués, où t'as des espèces de bâtiments, qui naissent de cette espèce de grande marée de pétrole qui est à tes pieds. Enfin, je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Et je pense qu'on aurait pu faire simplement une forme de s'échapper, de courir, de faire même un peu de la plateforme. Ça aurait pu marcher finalement avec le délire traversal. Et voilà, j'aurais préféré qu'il se passe de tout conflit armé. Mais bon, il ne l'a pas fait pour plein d'autres raisons. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement imparfait. Mais Pour conclure, en tout cas, par rapport à moi, ce que j'ai ressenti sur ce jeu, c'est vrai que c'est un jeu qui m'a tellement séduit sur les points où je peux l'attendre, c'est-à-dire à la fois sur le gameplay de la marche dans un open world que j'ai trouvé vraiment brillant comme réinterprétation de ce modèle-là d'open world, mais aussi avec cet univers qui, même si à coup d'explication est un peu fatigant, je trouve toujours encore aujourd'hui assez fascinant, ces espèces de trucs fantomatiques et tout. Je trouve qu'il a une esthétique il a un charisme, en fait, jeu, qui pour moi est aussi dû à Yoji Ishikawa, qui arrive toujours à donner un truc sur les combinaisons, sur les véhicules, je sais pas, il y a un truc un peu cool dans sa manière de faire du chara-design qui a toujours beaucoup marché sur moi. Même quand j'étais gamin, je regardais la jaquette de Metal Gear Solid 2 et je sais pas, j'étais fasciné, tu vois. Et ça a toujours été le cas. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, malgré les nombreux défauts, en fait, impuretés presque, qu'on pourrait dire, qu'il y a dans sa proposition. Ouais, moi je me disais qu'il avait une espèce de malédiction, tu vois, Kojima, c'est-à-dire qu'il est condamné à faire des jeux qui sont absolument brillants, mais qu'il est obligé d'écrire des dialogues absolument nul à yèche. Et c'est sa malédiction à lui, tu vois. Il est obligé de faire des trucs qui sont extrêmement ambivalents. Mais par contre, pareil, moi, ce que je trouve cool, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai gardé un très bon souvenir. J'ai relancé le jeu pour préparer l'épisode en skippant l'intégralité des cinématiques. Et du coup, je ne me concentrais que sur ce qui m'avait plu, c'est-à-dire le gameplay et la marche. Et je me suis dit, mais quel kiff, quoi, tu vois. C'est vraiment, je me suis même rendu compte, je crois que c'était toi, Hugo, qui le disais aussi, que ça m'avait manqué, en fait, tu vois. C'est-à-dire que pendant près de 6 mois, 8 mois, j'avais pas joué au jeu. De le relancer sur PC, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me manquer ces petits moments-là de méditation, de balade, etc. Et donc c'est un jeu, moi, qui m'a que je pense que je vais garder longtemps dans mon cœur, comme on dit, parce qu'il arrivait à faire quelque chose en termes de gameplay auquel je ne m'attendais pas. Et tant pis, tu vois, si c'est mal raconté, tout ça, ça me saoulait sur le moment, mais maintenant que c'était il y a longtemps, j'ai réussi à passer outre et me dire c'est comme ça. Je sais pas ce que ça va donner son prochain jeu. Je pense que je ferai attention sur le côté cinématique, mais j'ai quasiment l'assurance de me dire c'est quelqu'un qui a des idées de design qui sont tellement intéressantes, tellement malines, tellement en phase avec ce que moi j'attends du jeu vidéo aujourd'hui, que je pense que je vais l'aimer, ce jeu-là, malgré les défauts qu'on a relevés tout au long de l'émission. Ouais, tu le disais, hein, on parlait de jeux hyper atypiques dans le AAA, et Death Stranding, c'est un jeu qui est très polarisant, hein, qui a beaucoup divisé les joueurs, et effectivement, pour le prochain, il a même divisé fin du game, ce qui n'arrive vraiment pas souvent, hein, c'est très rare. C'est vrai que moi, je suis sur le pôle moins, tu vois, où j'étais, j'ai aimé ni l'histoire, ni la marche, quoi, l'univers m'intriguait, mais bon, au bout d'un moment, c'était juste trop chiant. Hugo, il a tout adoré, enfin, il n'y a pas non plus adoré l'histoire, mais disons que ça t'a pas gêné, ça t'a pas freiné. Oui, il y a peu de choses qui m'ont gêné. Les trucs bidons, en fait, je les ai pris de manière très très légère. Je les ai pas du tout subis, en fait, alors que Benoît, c'est peut-être plus le cas. C'est ça, j'étais un peu le pont. J'étais le bridge entre vous deux, où moi j'ai adoré le gameplay, vraiment j'ai trouvé ça... Benoît, Dark Souls, Bridges, c'est ça, Hollow Knight, streamer. Je m'appelle Benoît Feu de Camp, Roulade, Bridges. Mais... Ouais, bon, moi j'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai vraiment ce côté ambivalent, à la fois le meilleur et le pire jeu auquel j'ai joué, mais avec le recul, ben, c'est un des meilleurs parce que j'ai vraiment retenu ce plaisir que j'avais à me déplacer, à créer ces tyroliennes, à me balader, etc. Et ce que je trouve intéressant dans tout ça, et dans les discussions qu'on a pu avoir entre nous sur la préparation, qui a été particulièrement longue sur cet épisode-là, ça fait un bout de temps qu'on le prépare, l'épisode de Death Stranding, c'est qu'on s'est rendu compte que ben, finalement, cette polarisation des avis, elle est intéressante parce que pour un jeu AAA, d'habitude, on cherche plutôt à lisser le contenu, on cherche plutôt à faire plaisir au grand public. Hein, donc on va, coucou Ubisoft, essayer d'enlever la moindre aspérité, on ne va pas parler de politique, surtout pas, même si on ne fait que ça. On va essayer de donner un gameplay facile, pas trop compliqué, des histoires qui vont pas trop fâcher des gens, etc. Alors que là, c'est un triple A, mais avec une vraie vision d'auteur, j'ai envie de dire, parce que Kojima, il arrive avec son envie de, bah, moi je veux parler de connexion, le monde aujourd'hui il est divisé, je veux vous montrer qu'on peut, à travers le jeu vidéo, réussir à réunir un peu les gens. Et il va pas vraiment faire de compromis à ce niveau-là, en fait. Les seuls peut-être compromis qu'on peut noter, c'est ce qu'on disait sur la partie violence, où le fait que, tu vois, on l'a pas dit, mais les combats contre les mules, c'est assez inintéressant, et le fait de se battre tout court dans le jeu n'apporte pas grand-chose en réalité. Donc ça fait peut-être partie des seuls compromis qu'il y a eu, mais il n'y a pas eu de compromis ni sur l'histoire, ni sur sa vision du gameplay, et je trouve ça vachement cool de voir qu'on arrive à avoir des jeux avec autant d'ambition et avec autant de budget qui peuvent comme ça tenter des choses. Et comme on l'a dit, c'est incroyable qu'il soit sorti aussi vite. Hein. On sent qu'il y a vraiment toute cette expérience, et donc pas que de Kojima, même si on a cité quasiment que son nom, hein, c'est l'image qu'il a, mais il est reparti avec tous ses associés de l'époque. C'est Kojima Prod, hein, c'est la plupart des employés, j'imagine, sont des employés qui bossaient aussi à Oui, Konami. tout à fait. Et il y a eu toute cette reprise, Hugo l'avait noté, d'une certaine vision de Metal Gear Solid 5, une certaine expérience qui venait là, une expérience de l'open world aussi, mais il y a toute cette expérience de la production aussi, de l'économie en fait, puisque Death Stranding c'est quand même un monde qui est globalement vide, hein. Les points d'intérêt sont très rares, c'est des bunkers, c'est beaucoup d'hologrammes en fait, il y a assez peu de modélisation concrète de PNJ, le budget il est beaucoup dans les cinématiques et la mocap des acteurs, mais en dehors de ça c'est un jeu assez léger, et donc oui c'est pas que l'expérience de Kojima qui a permis de faire ça, même si ouais, comme on l'a dit on sent toute sa patte, en tout cas qui traverse un peu les Metal Gear Solid. Mais aussi la patte de Kojima Productions, parce que voilà, c'était pas le seul à bosser sur un Metal Gear Solid. Il y a vraiment une expérience qui est assez folle. Et voilà, c'est un jeu polarisant, triple A, qui a eu du succès. Et même si j'ai pas du tout accroché à la proposition, bah c'est super plaisant de voir que ce genre d'expérience peut exister dans ce genre de budget, quoi. Tout à fait, ouais, kudos pour avoir réussi à sortir ça en 3 ans et demi. Et voilà, moi je suis impatient, je suis vraiment impatient de voir la suite. Moi, encore une fois, j'aimerais qu'il fasse quelque chose de différent. J'aimerais pas forcément Death Stranding 2, Ouais. mais bon, voilà, je sais que Kojima il voulait pas non plus faire 1000 Metal Gear Solid, et pourtant il les a quand même fait. Bah, Mais bon. peut-être que ça va lui donner, tu vois, cette espèce de confiance qui peut se permettre de sortir de ses sentiers battus et parler d'un sujet complètement différent. Hein. Peut-être qu'il ça lui a rassuré en se disant, bah en fait, je fais autre chose qui n'est pas un jeu où il y a Snake et Metal Gear, et ça a quand même fonctionné, quoi. Peut-être que lui-même, il arrive à aller au-delà de son propre carcan, tu vois, qui s'est créé autour de lui, parce que bah, j'imagine que, vu que il a passé tellement d'années à faire Metal Gear Solid, c'est peut-être pas quelque chose, tu vois, vers lequel il a envie de revenir avec beaucoup de plaisir. Justement, je pense qu'il s'est fait plaisir, en fait, tu vois, avec Death Stranding. On le voyait, hein, toutes les phases de préparation. En fait, on sait très bien que pendant qu'il faisait des photos Insta et qu'il faisait ses selfies avec Mads Mikkelsen, etc., en fait, ils étaient en train de tourner les cinématiques, puisque sinon, on ne les aurait pas eues à l'E3 2016, etc. Donc, ils étaient déjà en train de bosser, l'univers, il était déjà là, et on a vraiment le sentiment qu'il s'est fait plaisir, parce qu'un truc que j'ai noté, et c'est ce que tu disais sur le côté économie de la production, c'est que les gens qu'on voit dans les cinématiques, on ne les voit jamais en jeu. C'est-à-dire que Fragile, vous la croiserez jamais en jeu, vous n'allez jamais croiser Deadman, Hartman ou quoi que ce soit, ils ne sont que dans des cinématiques. Le jeu, c'est uniquement les modèles holographiques qui sont. La plupart du temps, des caméos, Geoff Keighley, le président de un type de Sony, enfin je sais plus, il y a Conan plein de gens connus O'Brien. qui sont présents parmi les hologrammes. Et sinon, c'est Sam. Il y a un seul modèle de Mule, il y a un seul modèle de Beatties, il y a un seul modèle non, il y a deux, trois ennemis boss quand même, parce que bon, il y a les lions. Oui, Enfin, mais mais tu vois, c'est comparé très peu. à la densité d'un The Witcher 3, d'un Red Dead 2 ou même d'un The Last of Us, en fait, de ce qu'on voit dans le triple A, et en tout cas, bah, The Last of Us, c'est pas un bon exemple parce que c'est pas un open world, mais de tout ce qu'on voit dans les open world qui fourmillent, en fait, là, on est sur un jeu qui s'est dit, bah, moi, je vais être malin, je vais faire du vide, mais je vais m'en servir, en fait. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est une intelligence, en fait, dans la production de jeux vidéo, et qui, pour moi, encore une fois, bah, voilà, c'est le mec, il a un peu plus de 50 ans maintenant, Kojima, il a toute cette expérience depuis 86, il fait des jeux vidéo, c'est quand même super long, c'est vraiment un des vétérans de l'industrie, il sait faire des jeux vidéo, Et voilà, moi, allier originalité, sortir un jeu, et en plus faire quelque chose bon, bah, qui m'a plu, bon, bah, je ne peux pas demander bien plus que ça, finalement. Un triple A, je crois que c'est tout ce que je demande, donc voilà, rien d'autre à lui demander. Bah, il a vraiment cimenté sa mythologie, je trouve, avec Death Stranding. C'est vraiment... Enfin, voilà, le I'm back, 3 ans et demi après, il fait Death Stranding. Bon, c'est quand même... on pourra dire ce qu'on veut, hein, parce qu'il y a toute cette image un petit peu exagérée. On y a participé un peu au cours de ce podcast, hein, d'en faire vraiment cette figure de l'auteur, du mec qui ferait tout, alors que évidemment que c'est pas vrai. Mais bon, il y a à côté, il est forcé de reconnaître que quand même, il y a du succès, hein, clairement, avec ce mec, c'est sûr. Ouais, et puis non, mais je pense qu'il sait bien manager sa team, en fait. Oui, pardon, il sait bien manager sa team, en fait. Je pense que les gens avec qui il a un entourage, et je pense qu'ils le comprennent très bien, qu'ils savent donner vie à tout ce qu'il a envie de faire, et voilà, qu'ils lui permettent de donner vie à son truc. Et oui, clairement, pour moi, sans Yoji Shinkawa et son chara-design, c'est pas pareil. Et voilà, c'est un des rares noms que je connais, mais je pense que dans toute l'équipe, on retrouve des personnalités qui sont très importantes pour ce que sont les jeux Kojima. Bon, on va peut-être pas plus s'éterniser que ça, pardon, je vois que ça fait déjà bien presque 2 heures qu'on parlait. Alors, je vais vous dire vraiment la vérité, encore une fois, c'est un de ces épisodes où le conducteur est tartiné de détails, il y a des choses dont on n'a pas pu parler. Maxime n'aura pas eu ses 5 minutes sur les mules et sur leur addiction à la livraison. Sur la backstory, et je m'en excuse. Des mules, voilà. On fera un épisode bonus spécial un jour. Voilà, peut-être. Voilà. Maxime, 20 minutes sur les mules. Vite, l'interface, elle est pas très bien. Il n'y a rien qui est bien, vous. Voilà, la thématique un peu de la paternalité avec Bibi, paternité, pardon, oui, avec Bibi, c'est vrai. On n'a pas tant parlé que ça, mais voilà, il y aura plein de. Parce que tous les jeunes papas ou jeunes mamans vont se dire: ah, mais ils n'ont pas parlé de ce truc qui est central pour moi. Mais voilà, écoutez des podcasts sur Last of Us, il y a des gens SO qui diront Esteban. Pas mal. Oui, il y a eu la série de podcasts avec Esteban et Pierre, oui. Et forcément, ça a habité toute l'émission. Ouais. C'est un jeu qui donne envie de discuter et je pense qu'il y a déjà beaucoup de contenu qui est sorti aussi dessus. On espère avoir pu faire quand même un condensé, en tout cas vraiment qui lie nos trois lectures du jeu, parce que vraiment, encore une fois, on n'est pas... je pense que si Maxime faisait que son épisode et moi je faisais que mon épisode, ça ne ressemblerait pas du tout à la même chose. Mais voilà, encore une fois, comme d'habitude, en fait, fin du game, c'est une lecture comme ça, concordante. Alors parfois, il y a un peu plus de discord, mais c'est à la fois, c'est toujours vous donner notre lecture à tous les trois. Voilà, je pense qu'encore une fois, on a réussi notre mission. Enfin, vous nous le direz dans les retours. Alors, en plus, vous pouvez nous mettre des likes, hein, c'est très important. Voilà, mettez-nous, exactement, mettez-nous des likes ou quand même des sous sur le Patreon, parce que bon, mine de rien, mon boulanger ne prend pas les likes, hein, malgré tout. Si vous voulez qu'on parle un jour de Metal Gear Solid. Oui. Exactement, ce sera peut-être l'objectif, un jour prendre un des épisodes de Metal Gear Solid. Je le rappelle qu'on était en confinement, donc voilà, il va falloir qu'on reprenne un petit peu cette habitude de faire les épisodes en distanciel comme ça, mais on va y arriver. On vous remercie, donc le Patreon, je crois que j'ai fait assez la pub dessus, c'est bon, vous avez capté. On remercie encore une fois Sœur d'édition. Allez sur leur site si vous voulez vous prendre des bouquins, c'est le moment de le faire. Je rappelle d'ailleurs qu'ils avaient fait aussi un livre sur la saga Metal Gear Solid qu'ils avaient offert d'ailleurs pendant le précédent confinement. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient récupéré. Merci Mehdi, merci à toute l'équipe de nous soutenir. Benoît, je vois que tu as envie de dire quelque chose. Oui, parce qu'en plus, tu vois, Mehdi nous avait dit oui, alors en termes de teasing, peut-être qu'il se pourrait qu'il y ait un livre sur Death Stranding qui arrive chez Fœur d'édition bientôt. Alors peut-être qu'ils vont profiter de, encore une fois, le pouvoir de fin du game pour annoncer officiellement ça. Mais voilà, peut-être, a priori... vous allez avoir de quoi vous nourrir l'esprit, encore une fois, grâce à Ford, et j'espère que ça sera intéressant. Je pense que je vais le lire, parce qu'en plus, même si c'est un jeu qui je l'ai pas forcément aimé, j'ai encore une fois, comme le disait Hugo, j'ai envie d'en parler, et je suis ravi d'avoir pu faire l'épisode, parce que c'est cool de prendre le temps comme ça, d'essayer de coucher tout ce qu'on a pu en penser, d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé avec ce jeu-là. Tout à fait, et puis c'est ce qu'on va continuer d'essayer de faire dans cette émission, avec les prochains jeux qu'on vous réserve jusqu'à la fin de l'année. Je le dis à chaque fois, il y a du lourd, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et puis voilà, on verra ce qui se passera pour la suite. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game. Là, cette fois-ci, ce sera peut-être moi, la voix discordante. Je ne sais pas, nous verrons, on verra comment ça se passera. On vous tease. Et puis, voilà, merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut. Salut.